dans une société remplie d'images que c'est bon, l'imagination, par le son. Ferme les yeux et ouvre ton oreille. Micro ouvert. Voici quelques petites explications pour introduire ce micro ouvert. On va entendre Nicolas Bernard, docteur en droit, licencié en philosophie, professeur de droit à l'Université Saint-Louis-Bruxelles, directeur de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur Bruxelles. Il a fait sa thèse de doctorat sur le thème « Perspectives interdisciplinaires sur le droit au logement pour une approche intégrée ». Je ne vais pas expliquer, il explique très bien comment les choses vont se dérouler, mais c'est peut-être, ça vaut la peine d'expliquer en quelques mots, et en même temps je ne vais pas m'amuser à faire de la pub pour l'un, pour l'autre, mais c'est important de souligner en fait que cette rencontre, en fait c'est Nicolas Bernard qui est présent avec Marina Delvaux, avocate, qui se trouve à côté de lui. Et ils sont venus parler à un petit groupe de personnes qui se posent des questions, mais aussi qui vivent en habitat alternatif en Belgique. Eh bien, il va un peu éclaircir toutes des questions que les gens pourraient se poser en habitant dans des habitats alternatifs. Alors les habitats alternatifs, ce sont des yourtes, ce sont des cabanes. J'ai même entendu récemment pas yourtes. Hein, c'est une maison qui est en paille, mais en forme de yourte. Donc ça s'appelle une paille yourte. Voilà, c'est toutes ces manières de vivre un peu autrement, hein, puisqu'il y a crise de logement aussi. Mais c'est aussi les habitats permanents, les HP comme on dit en Belgique, c'est les gens qui vivent en caravane toute l'année. Et donc ça regroupe un paquet de monde. Et l'idée là, mais ça ne se voit pas et qui est intéressant aussi, on verra dans de futures rencontres, c'est que les habitats permanents, les HP, donc les gens qui vivent dans les caravanes, sont à côté des gens qui vivent en yourte, en cabane, en tipi, que sais-je encore. Et donc c'est une belle rencontre pour ça. Alors ces rencontres ont été organisées grâce à Alem France, qui s'est fait un tour de France en 2015, là, cet été, et qui passait par la Belgique. Souligner aussi la collaboration de Vincent Wattier qui a permis cette rencontre. Je vais ici un petit peu brosser les aspects juridiques et un peu sociologiques, philosophiques de l'habitat léger, puisque les deux sont indissociables. Il faut comprendre dans quel contexte s'enracine la loi pour bien traiter, bien comprendre celle-ci. La loi est toujours le produit de l'histoire d'une société à un moment donné. Et donc, je vous propose d'abord quelques considérations un peu générales sur le concept de normes, puisqu'on est tous confrontés à la norme, à sa rigidité, à ses limites. Et puis, alors, point par point, je vais, dans un second temps, épingler certaines réglementations qui posent particulièrement problème pour l'habitat léger. Donc, le premier temps, le concept de normes de manière générale. Et je suis content d'être à y voir parce que, commune d'habitat permanent, s'il en est, avec trois parcs répertoriés, et ces habitats permanents donnent à voir une collision de valeurs très claire. Les habitants permanents sont globalement satisfaits de leur habitat et le fonctionnaire de la région wallonne ou de l'urbanisme vient et dit bah, écoutez non, ça n'a pas la hauteur sous plafond requise, l'électricité, c'est pas dans une bonne zone urbanistique, etc. Et donc là on voit que les deux personnages vont remplir le même objet, l'habitat, avec des valeurs différentes. La fonction wallonne, la région wallonne, elle lui met des fonctions objectives. Un logement doit être objectivement conforme à toute une série de règles. Mais l'habitant, lui, il y met une dimension subjective, une dimension subjective qui ne peut pas être réduite à des chiffres, à des statistiques, à des lois. Et la fonction subjective de l'habitat, c'est d'abord se créer une identité. Une identité, on est chez soi, on y habite, on l'aime, on configure l'habitat à son image, on le développe. Et ça, c'est une source de développement identitaire qu'ignorent complètement les autorités. Et c'est d'autant plus important que cette identité, souvent, elle est collective, à plusieurs. Et il y a un paradoxe, c'est que la loi casse des mécanismes de débrouillardise que les autorités appellent de leur vœu par ailleurs. Les autorités n'arrêtent pas de dire ben oui, il faut que les gens s'en sortent par eux-mêmes, développent leurs propres solutions, soient créatifs. Mais dès qu'ils sont créatifs, dès qu'ils essayent de sortir du rang et de développer leurs propres solutions, eh bien là, la loi vient avec un retour de bâton et dit ah non, ça ne va pas pour les allocations sociales, pour l'urbanisme, etc. Et c'est d'autant plus paradoxal que justement, l'habitat léger, parmi d'autres types d'habitats, exalte des valeurs qui sont promues par les pouvoirs publics. Au niveau environnemental, au niveau solidarité, au niveau mobilité, flexibilité, tout ça est justement, ce sont des leitmotifs que les autorités poussent. Donc il y a vraiment un paradoxe foncier dans cette thématique. Alors, au niveau juridique plus précisément, souvent on entend dire que l'habitat léger se meut dans une absence de droit, il y a un vide juridique, mais non. Malheureusement, à la limite, on serait content qu'il y ait une absence de droit, vous aurez les coups des franges, mais non. On a plutôt une saturation de lois, mais qui ne sont pas adaptées. Elles ne sont pas adaptées pas parce que le législateur est spécialement malveillant, parce que ces lois datent d'une époque où le législateur n'avait pas du tout en tête le cas particulier de l'habitat léger, alternatif, etc. Et donc, il n'y a pas de procès à faire, simplement, il y a une adaptation tout à fait impérieuse qui est requise, et qui est d'autant plus compliquée que ces questions débordent de loin la thématique du logement. Ça touche à l'allocation sociale, ça touche au cadre de vie, à l'aménagement du territoire. Et donc, il faut vraiment une réflexion globale. Et on le sait, nos autorités ne sont pas rompues à ce genre de pratiques transversales. Et les autorités, souvent, disent ben, « Pourquoi légiférer pour une réalité un peu marginale quantitativement ?» Alors, c'est vrai, ça peut être vu comme marginal quantitativement, mais je crois que certaines remarques appellent tout de suite un double contre-argument. Un, c'est de moins en moins marginal. Il y a quand même 12 000 personnes en Wallonie qui vivent dans des structures d'habitat permanent. C'est pas rien, 12 000 personnes. C'est une petite commune. Et par ailleurs, souvent, ce qui est vu aujourd'hui comme marginal est peut-être l'habitat dominant de demain. On est peut-être dans des... Enfin, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais dans un secteur de niche qui, un jour, deviendra la norme. Donc, on est dans... c'est le mot à la mode. On est vraiment dans une société en transition et on ne peut pas, notamment pour cette raison, dénier la vertu, les valeurs que véhicule, c'est le cas de le dire, l'habitat léger. Alors, je vous l'ai dit, on a beaucoup de normes qui sont inadaptées. Et c'est clair que ces normes freinent le développement de toute une série de projets. Et certains d'entre vous m'ont contacté individuellement pour me soumettre leurs projets et on essayait ensemble de lever ces normes, ces difficultés. Et là, comme juriste, ces réflexions me confrontent à une équation dont les deux branches sont en quelque sorte défavorables. On est vraiment dans une question piège. Parce que si on se dit, OK, la norme, elle est trop stricte, détricotons-la, rendons-la plus souple, ça a un côté sympa, ça a un côté souple, mais... La vertu première d'une norme, c'est quand même de donner un horizon à suivre, d'essayer de faire grimper tout le monde à un certain horizon, une certaine promotion sociale. c'est dire que tout le monde a droit à ce niveau-là, de ne pas laisser les gens avec des sous-droits. Le problème du détricotage et de l'assouplissement, c'est peut-être faire des sous-droits pour des sous-habitats. Le glissement peut vite s'opérer. Et donc, là, il y a quelque chose à faire. Et ça m'inspire le mot célèbre d'un philosophe français, Lacordaire, qui disait « Entre le pauvre et le riche, entre le faible et le fort, c'est la loi qui libère et c'est la liberté qui opprime. » Donc, à un moment donné, il faut que la loi, la procédure, oblige tout le monde à pouvoir viser le même idéal. Par contre, l'autre branche de l'alternative, qui est tout aussi malheureusement néfaste, c'est si on ne touche pas, si on ne retouche pas la loi, eh bien, on va continuer à créer des frustrations, à créer des circuits en parallèle avec des gens qui vivent mal leur situation d'habitat, qui doivent se cacher, qui doivent bouger. Et quelque part, c'est ridicule. La loi n'est jamais que le reflet de la société. La loi doit répondre à des besoins sociétaux. La loi a toujours un temps de retard. Et une loi ne peut pas, au nom de je ne sais quel idéal intellectuel transcendant, la loi ne peut pas rester inchangée. Et de toute façon, même si la loi reste inchangée, ça ne modifiera pas les pratiques, puisque la crise du logement est telle que les gens qui prisent l'habitat léger doivent quand même se loger quelque part. Et c'est pas pour rien que les gens de l'habitat permanent en viennent à s'installer dans des espaces, pour certains, qui sont un petit peu excentrés, qui sont saturés, avec des conditions d'hygiène pas évidentes, dans les zones inondables. C'est parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux, c'est parce que les loyers sont beaucoup trop chers. Et donc, quelque part, l'habitat léger devient un substitut de fait à l'incapacité des pouvoirs publics de loger à suffisance ce public-là. Donc, je crois que la loi, malgré tout, doit opérer un changement, mais un changement alors subtil. Et c'est le second temps de mon exposé, à bien y regarder, et ça c'est quand même facile, hein, le boulot de juriste, on croit toujours qu'il faut pondre des grandes théories. Non, déjà il suffit d'ouvrir le code et de voir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas si facile parce que des lois, il y en a des dizaines de milliers. Hein. Chaque année, on a pulvérisé le nombre de pages de lois publiées au Moniteur belge cette année. On est dans les 100 000 par an. Et donc, parfois, on emploie l'image de la lasagne, hein, une couche de loi, mais à la limite, j'aimerais bien que ce soit juste une lasagne, parce que la lasagne, au moins, les couches, en théorie, si on cuisine bien, ce qui n'est pas mon cas, mais en théorie, les couches ne viennent pas s'interpénétrer, elles restent plus ou moins l'une sur l'autre. Mais en droit, malheureusement, tout s'interpénètre, tout présente des interactions avec d'autres lois, et ça renforce évidemment la complexité de la chose. Mais il n'empêche, quand on ouvre son code, avec un objectif bien précis, alors là, il y a des choses vraiment intéressantes. L'objectif que je vous propose, c'est trouver déjà la souplesse existante. Et après, on verra sur un autre plan plus politique, plus prospectif, comment faire changer cette loi. Mais d'abord, et ça, c'est vraiment la partie de mon boulot de juriste que je préfère, c'est de voir les failles, les interstices dans la loi qui permettent le développement dans lequel on peut s'engouffrer. Alors, il y a quelques thématiques juridiques donc, qui posent particulièrement problème. Je les cite rapidement. La salubrité, l'urbanisme, la domiciliation et les allocations sociales. Et peut-être l'autoconstruction si on a encore un peu de temps. Mais donc, tout ce que j'entends à chaque fois, les difficultés relèvent d'une de ces cinq catégories. Alors, j'ai oublié de le dire. Si ça vous intéresse, j'ai eu la chance de coordonner un bouquin qui s'appelle justement « L'habitat alternatif ». Pardon, je reste toujours avec l'ancien titre, « La norme à l'épreuve de l'habitat alternatif ». C'est un bouquin qui a été publié à l'invitation, ce sont les actes d'un colloque qui avait été organisé sous ma direction scientifique par le Conseil supérieur du logement, qui est l'instance la plus officielle en matière de logement en Wallonie, qui regroupe tous les acteurs tout à fait officiels, les autorités, les politiques, les sociétés de logement social, etc. Et il m'avait demandé, Nicolas, songe à un colloque intéressant là-dessus. Et je proposais l'habitat alternatif. Eh bien, tous ces ponts, tous ces gens tout à fait assis dans leur pouvoir ont dit très bien, on y va. Et c'est très éclairant, le titre initial devait être l'habitat alternatif à l'épreuve de la norme. Et très justement, on m'a fait comprendre, mais c'est pas ça. C'est pas l'habitat alternatif qui est à l'épreuve, qui subit la norme, c'est l'inverse. C'est la norme qui doit changer, qui subit l'érosion, subit les mutations du fait de l'habitat alternatif. Et donc, si ça vous intéresse, c'est un bouquin, je n'oserais pas la prétention de dire qu'il est pas mal fait, mais là-dedans, on recense 1000 difficultés. Alors, Mais vous trouverez là-dedans des gens qui... C'est pas moi qui écris tout, heureusement, sinon ça se serait tout à fait rébarbatif, et je n'oserais pas en faire la promotion, mais on a un représentant de l'habitat fluvial, ceux qui vivent en péniche, de l'habitat permanent, un autoconstructeur, les gens du voyage, la colocation, bref, tout ça est extrêmement intéressant. Je le fais passer si ça vous intéresse. Bref. Ils l'ont lu ? Ben, en théorie... Ils l'ont plus que lui, ils l'ont porté, puisque c'est eux qui ont validé l'idée du colloque. Alors maintenant, mais après, j'expliquerai, il y a déjà des glissements législatifs intéressants qui s'opèrent. On va y venir. Mais donc, premier thème, la salubrité. On pourrait se dire, ben oui, une caravane ne remplit pas les conditions de salubrité, évidemment. En termes de hauteur sous plafond, en termes d'installation électrique, ça, même moi qui suis nul en bricolage, je pourrais le dire. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ben, disons-le de suite, il y a de la souplesse. Et la première souplesse, c'est... Alors, je ne vais pas trop donner de chiffres d'articles et de lois, machin, mais pour ceux que ça intéresse, je cite juste l'article 19 de l'arrêté du 30 août 2007, qui dit que... Certains logements sont insalubres pour mille raisons, mais les autorités ferment les yeux si les défauts sont de minime importance et si la remise en état du bien entraînerait des travaux disproportionnés. Et donc, génial, on a là une possibilité de dérogation en matière de salubrité qui est très large. La dérogation n'est pas chiffrée, on ne dit pas si ça dépasse de X%, alors seulement... Non. Ça relève du pouvoir certes discrétionnaire de l'administration, mais pour fréquenter souvent l'administration, et d'ailleurs Luc Gendrin, que vous auriez dû entendre, est le monsieur Région Wallonne en matière de contrôle de l'homme-salubrité, et très honnêtement, il me dit, il dit à d'autres, moi je veux avoir une position souple. Un bête exemple, hein, les toilettes. Dans la réglementation... classique, on dit que la toilette doit être munie d'une chasse d'eau, oui, parce que c'est ça l'image classique qu'on a d'une toilette, et puis boum, débarquent les toilettes sèches. Ah, normalement, la toilette sèche ne répond pas aux standards réglementaires. Eh bien, Luc Gendrin, mais titillé par des associations comme vous, c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à interpeller le politique, Luc Gendrin en vient à dire, ben maintenant, si je tombe sur une toilette sèche, ben pas de problème, évidemment. On va quand même pas... Les lois sont toujours sous-tendues par une philosophie, par, il n'y a pas que la lettre de la loi, il y a aussi son esprit. Le jargon juridique, c'est la ratio légiste de la loi. À quoi elle sert? Et même si le texte de la loi ne correspond pas, ben, il faut toujours en revenir à l'idéal de départ, la philosophie. Et la philosophie n'est évidemment pas de déclarer hors norme ce logement. La philosophie des normes n'est pas... d'être appliqué dans une sévérité telle que la moitié des logements soient retirés du marché. Ça n'a jamais été l'intention du législateur. L'intention du législateur, c'était plus modestement proscrire les taudis, empêcher que la dignité humaine s'abîme dans des endroits tout à fait intolérables. Et donc, il faut toujours rappeler aux autorités, parfois un peu trop rivées au texte de la loi, il faut leur rappeler quel est l'esprit de départ. Donc, première souplesse en matière de dérogation pour la salubrité. Deuxième souplesse, elle est encore plus signifiante, à mon sens, c'est l'article 22 bis du Code wallon du logement, qui invente, et ça c'est génial, hein, les chimistes quand ils inventent quelque chose, ça fait des bulles, des couleurs, ça explose, et ben, les juristes quand ils inventent quelque chose, ça prend des noms bizarres. Et là, cet article 22 bis introduit la notion de, je cite, « habitat qui n'est pas un logement ». Ah ben là... C'est vraiment du surréalisme. Hein. Ceci n'est pas une pipe, ceci est un habitat qui n'est pas un logement. Pourquoi? Eh bien, le ministre précédent était, sa sensibilité politique l'y poussait sans doute, mais il était assez attaché au développement de ce type d'habitat. Mais il s'est dit, attention, si, et c'est ça le piège de la consécration juridique, si j'érige l'habitat alternatif, alors je dis habitat alternatif, c'est pas... Le bon terme, hein, d'abord, parce que ça recouvre une pluralité de types concrets d'habitats qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et puis toujours dire que c'est alternatif, c'est pas le bon terme non plus. C'est un habitat qui a sa vertu en soi, qui n'est pas toujours à apprécier en regard, en opposition d'un autre type d'habitat. Mais voilà, pour la facilité, je vais continuer avec l'habitat alternatif comme idée. Mais donc, le ministre du Logement s'est dit, si, et de nouveau aiguillonné par vous, par le Conseil Sup, par moi, alors... Il s'est dit, si je vais consacrer ces habitats-là en logement, clac, ils vont tomber sous le coup de toute une série de normes et ça va faire pire que bien. On va condamner ces logements, enfin ces habitats qu'on veut justement aider. Mais il s'est dit, je ne peux pas non plus les laisser dans un vide juridique complet. Et il a emprunté une voie médiane, c'est-à-dire il a dit, ce sont les habitats qui ne sont pas des logements et qui donc répondent à des normes de salubrité, notamment qui sont éminemment particulières. Et ce qui est assez remarquable, pour avoir un peu trempé dans ce monde-là, il y a deux choses de remarquables. La première, c'est qu'il a suivi, il a fait suivre l'arrêté, le code wallon du logement d'un arrêté d'exécution qui donne du concret. Vous savez, c'est facile de prendre des belles lois lyriques, mais il faut surtout après qu'il y ait un arrêté d'exécution, comme on dit, qui fixe les modalités, les fonctionnaires qui doivent venir vérifier, qui prévoit une petite somme d'argent, etc. Eh bien, cet arrêté a été pris dans la foulée du code wallon, et ça, c'est assez remarquable. Donc, c'est un mécanisme qui est opérationnel et qu'il faut réclamer. Et deuxième chose de remarquable, c'est qu'il aurait pu se contenter d'agir sur le plan de la tolérance et se dire « je ne vais pas fermer les habitats mobiles, machin, je les tolère ». C'est déjà bien. Mais non, il est allé plus loin. Il incite à leur développement puisque c'est l'arrêté du 21 novembre 2013. Cet arrêté-là d'exécution donne de l'argent à tous ceux qui veulent développer un habitat qui n'est pas un logement. Jusqu'à 2000 euros par logement pour le rénover, je ne sais pas, faire tout ce qu'on veut. Mais donc, il aide, il pousse, et ça, c'est assez exceptionnel. Alors, évidemment, il avait un petit peu peur que, comme on dit, il mite le territoire wallon, c'est-à-dire il induise une dispersion sur l'ensemble du territoire de ces habitats-là. Et il a pris le choix politique de se dire, on va un peu les regrouper. Et alors, on tombe un peu dans l'excès inverse, il ne faut pas faire des réserves d'Indiens hein, où tout le monde se ressemble, les marginaux du village. Voilà. Le but, c'est quand même de faire de la mixité et de l'insertion. Et donc, il a dû là naviguer entre deux eaux pas évidentes. Et il a dit, OK, cette aide s'applique, mais dans trois types de périmètres. Premier périmètre, on y est. Ce sont les zones habitat permanent. Et la Gaillole, le pommier rustique, je crois, et le troisième, je ne sais plus, sur Ivoire, mais tous ces trois parcs-là peuvent accueillir des habitats alternatifs susceptibles de bénéficier d'aide. Donc, c'est déjà tout à fait intéressant. Autre type de périmètre autorisé, c'est les zones dédiées aux gens du voyage. Malheureusement, il y en a très peu en Wallonie, il y en a deux officielles, mais il n'empêche, là aussi, on peut développer. Et troisième zone possible, le code dit que c'est une zone, des zones à arrêter par le gouvernement, à définir ultérieurement. Et donc là, le gouvernement ne l'a pas fait, mais le gouvernement est toujours investi de cette mission de définir, délimiter des zones un peu particulières, des zones franches en quelque sorte, où on pourrait faire de l'habitat léger. Et donc là, il y a vraiment une action politique proactive à mener. Deuxième angle juridique d'approche, la domiciliation. Et la domiciliation, je l'entends tout le temps. Depuis que j'ai appris à lire dans un petit ours brun, on me parle de domiciliation ou presque. Et pour moi, c'est un vrai crève-cœur, un double titre. Pourquoi ? Parce que, un, en l'absence de domiciliation, l'exercice des droits sociaux est malmené. On peut dire ce qu'on veut. C'est beaucoup plus compliqué de toucher son RIS, son allocation sociale, son chômage, si on n'est pas domicilié. Alors, même si la domiciliation n'est pas dans la loi un élément décisif de définition pour l'obtention de cette aide, eh bien, au niveau de la procédure CPS, c'est beaucoup plus compliqué. Premier crève-cœur. Deuxième crève-cœur, c'est que pourtant la loi, elle est claire comme de l'eau de roche. Je n'ai jamais vu une loi à la fois aussi claire, limpide et aussi peu appliquée. La loi, elle dit, aucun refus de domiciliation ne peut être opposé pour des raisons tenant à la salubrité, à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, etc. Non, la loi dit qu'il y a un seul critère pour la domiciliation, critère factuel entre tous, c'est la réalité du séjour de l'intéressé sur le lieu ou pas. Donc, que le lieu soit en mauvais état, soit en infraction urbanistique, soit squatté, et il y a une fameuse décision de jurisprudence il y a 20 ans à Bruxelles où un sans-abri a réussi à se faire domicilier sur un banc. Mais oui, il a prouvé qu'il habitait là de facto. Et donc, les communes, puisque c'est elles qui doivent acter la domiciliation, s'asseyent sur le prescrit légal. Et ça, c'est quelque chose d'évidemment intolérable. Et là, heureusement, le droit aménage des dispositifs de recours et ça a l'air de rien, mais ça marche. Si vous vous adressez au ministère de l'Intérieur, qui est une instance de recours, le ministère de l'Intérieur, il n'a pas d'état d'âme. La commune, évidemment, on comprend ses intentions qui sont tout sauf louables. Elle se dit, si j'accepte la domiciliation de ces oseaux, de ces marginaux, ça veut quoi ? Ça va faire appel d'air, ils vont tous débarquer, ils vont me demander des allocations sociales, les riches vont fuir, etc. Ils n'osent pas le dire, mais pour en fréquenter beaucoup des communes, je vous jure, il y a certaines communes qui, off the record, comme on dit, se lâchent et le disent, et parfois même pas off the record. Donc voilà. Mais, voilà, c'est là où je dis, la loi parfois libère, elle n'est pas que source de tracasserie administrative, la loi prévoit le recours, et le ministère de l'Intérieur, lui, il n'est pas sur le terrain, et heureusement, moi je ne suis pas toujours un fanat de la proximité du terrain, parfois c'est propice à des complicités, des lâchetés, etc. Et donc le ministère de l'Intérieur renverse la décision de la commune, et demander par exemple au squatteur du 123 rue Royale à Bruxelles, qui est le squat le plus célèbre dans la capitale, ils se sont tous fait refuser la domiciliation par Yvan Mayer, à l'époque président du CPS. Ils sont tous allés auprès du ministère de l'Intérieur, qui a évidemment renversé la décision de Mayer. Et donc, ça, c'est vraiment un droit qu'il faut exercer. Et comme on sait, le droit ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Alors, la loi dit même que... Avec quel article ? Moi, je veux bien... Ah oui, quel article ? C'est l'article 16, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 16 juillet... L'article 16... Oui, c'est un autre. Ici, on est dans le champ de la domiciliation. Non, non, mais c'est vrai, j'aurais dû le dire, mais... 16, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992. Et c'est un, quand je dis la loi, c'est au sens large ici, c'est un arrêté. Et l'arrêté, il va jusqu'à dire, si c'est de l'habitat mobile, eh bien, c'est encore plus facile. Parce que les gens de l'habitat mobile disent, mais oui, nous, on bouge, donc on ne peut pas se prévaloir d'un séjour un peu durable sur cette commune. Eh bien, la loi, là, pour le coup, a pris en compte cette réalité-là et dit, si vous êtes minimum 6 mois, eh bien, c'est bon. Et, continue à dire la loi, même si vous n'êtes pas 6 mois, eh bien alors vous pouvez prendre une adresse de référence, comme on dit. L'adresse de référence, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui a été conçu au bénéfice des sans-abri. Par exemple. Mais c'est vrai que les multinationales ont aussi leur adresse de référence. Hein. Je veux dire, chacun exploite et tourne la loi à sa manière. Je n'ai jamais fait le rapprochement, mais c'est intéressant. Eh bien, les sans-abri, ils ont leur adresse de référence auprès du CPS ou d'un particulier ou d'une association. Et on a ouvert l'adresse de référence aux associations qui promeuvent l'habitat mobile. Et c'est intéressant parce qu'on l'a ouverte, cette adresse de référence, auprès d'associations, auprès de personnes morales. Avant, c'était uniquement chez les personnes physiques. Et malheureusement, on constatait des abus sur le terrain. Oui, je te donne l'adresse de référence, mais alors tu me payes autant. Et donc là, on dévoie complètement l'esprit de la loi. L'adresse de référence, c'est pour venir en aide à la personne qui n'est pas en règle, en quelque sorte. Et donc, maintenant, l'adresse de référence, pour ceux des habitats mobiles qui ne peuvent pas se targuer d'un séjour de 6 mois minimum, eh bien, l'adresse de référence est possible. Je doute qu'elle soit fort utilisée, notamment parce que cette loi n'est pas fort connue. Troisième loi qui pose problème, c'est l'urbanisme. Oui ? Je veux dire par là qu'il n'y a pas de jurisprudence ou... Non, il n'y a pas beaucoup d'utilisation par les usagers. C'est assez connu. C'est pas assez connu donc, ou... Donc, elle n'a pas été souvent vraiment appliquée ou quoi ? Bon, il faudrait faire une étude un peu statistique, hein, mais moi, j'entends... Je crois que je n'ai jamais entendu... Dans des dossiers. Ah, ben voilà. Des gens qui sont domiciliés au CPS, des personnes sans-abri. Oh, mais moi, j'en ai déjà oui, mais pour les sans-abri, pas pour l'habitat mobile. Ah, pas pour l'habitat mobile. Non, non. Ah oui, l'adresse référence sans-abri, il y en a beaucoup. Ça, oui. Je ne vous ai pas présenté mon acolyte, Marie-Amélie Delvaux, qui est avocate à Namur. Alors, ce n'est pas du tout pour faire sa pub, mais c'est pour expliquer sa présence. Et elle aura peut-être des compléments très intéressants. Voilà. Avocate à Namur. Mais donc voilà, c'est vrai que pour le sans-abri, ça marche très bien. Mais pour l'habitat mobile, ça existe aussi. Et je veux dire, il n'y a pas eu de plaidoirie qui a été faite pour obtenir une adresse pour quelqu'un qui est dans un habitat mobile, quoi, c'est ça ? Moi, à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu. Parce que je crois que personne ne se dit, tiens, j'ai droit à cette adresse de référence. Oui, il y a des gens qui le font. Hein. Oui, mais en habitat mobile, mais avec l'adresse de l'habitat mobile. Enfin, bon, on peut ouvrir le débat peut-être. Peut-être après. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ça existe. Et les règles, ça existe aussi pour des gens. Alors, et léger. Et surtout, ne soyez pas éphémère. Hein. Restez là. Hein. Alors, troisième axe juridique, c'est l'urbanisme. Gros problème aussi. Et là encore, on me disait tantôt, oui, je suis en zone agricole, donc ça ne va pas. Alors là, l'urbanisme, il y a aussi de la souplesse. Il y a aussi de la souplesse. Parce que l'urbanisme n'emploie pas le mot logement dans l'affectation des zones, elle emploie le mot résidence. Et là, je vais prendre ma petite note parce que l'urbanisme est une matière que je fais moins tous les jours. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le concept, l'acception du mot résidence, il est très large. Et notamment parce que des instances comme le Conseil d'État ont contribué à donner à cette notion un contenu un peu extensif. Et le Conseil d'État a dit, par exemple, que relever de la résidence au sens de l'urbanisme, des logements collectifs composés de personnes qui suivaient une post-cure psychiatrique. On pourrait se dire, tiens, mais c'est pas de la résidence, ça tient plutôt de l'établissement de santé. Eh bien non, il y a un caractère résidentiel. On a trouvé que le caractère résidentiel prévalait sur l'aspect soins. Même chose pour une institution qui héberge les enfants handicapés. Boum, c'est tombé sous le coup de la résidence. Des homes pour personnes âgées avec des services. Congrégations religieuses aussi. On peut très bien dire que, ben oui, a fortiori, alors, une roulotte sur un terrain, c'est, à plus forte raison, de la résidence aussi, même si ce n'est pas du dur, même si ce n'est pas du fixe, du sédentaire, il y a là aussi du résidentiel. Autre souplesse pour l'urbanisme, il n'y a pas que des zones résidentielles dans l'urbanisme où on pourrait implanter de l'habitat mobile, on pourrait aussi les implanter dans ce qu'on appelle la zone de services publics et d'équipements communautaires. Et ça veut dire quoi ? Ben là, à nouveau, le Conseil d'État a dit que cette zone peut très bien accueillir, je cite, « des installations privées, mais destinées à satisfaire un besoin social ». Alors, c'est quoi le besoin social ? Et là, de nouveau, le Conseil d'État donne des exemples. Par exemple, des homes pour personnes âgées, si c'est géré avec un esprit de service public. Une résidence-service avec projet intergénérationnel, donc des seniors qui accueillent des jeunes. Le Conseil d'État a dit aussi que le fait qu'un but lucratif soit recherché n'est pas nécessairement exclusif d'une telle affectation, pourvu que ce soit géré dans un esprit communautaire, par exemple. Et donc, moi, à lire ces exemples, je me dis que, à plus forte raison, un habitat mobile doit pouvoir rentrer dans cette définition-là. Mais évidemment, si on ne le demande pas, jamais on ne fera bouger les lignes. Mais donc, il faut savoir que ça, c'est une zone tout à fait intéressante aussi. Donc, la première souplesse, elle est à trouver dans la définition même de la zone. Mais le second registre de souplesse, il est à trouver dans les dérogations. Pourquoi ? Parce que même si vous n'êtes pas dans la bonne zone urbanistique, eh bien, il y a quand même des possibilités de fermer les yeux. Et voilà, je ne vais pas vous dire tous les articles parce que ça, c'est dans le Quatup. C'est encore... En plus, il va changer dans... Enfin, on ne sait pas. Hein, tous les mois, on nous dit qu'il va rentrer. Le nouveau vigueur va rentrer. Etc. Donc, on ne va même plus parler de rentrer en vigueur du nouveau Quatup. Mais en tout cas, jusqu'il y a peu, c'est par exemple c'est l'article 111, où on disait les constructions, blablabla, dont l'affectation actuelle n'est pas conforme, peut faire l'objet d'une régularisation et de travaux de transformation si ça respecte, ça restructure, ça recompose les lignes de force du paysage. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un aspect esthétique si ça recompose les lignes de force du paysage. Alors, ça veut dire quoi ? Moi, j'aimerais bien vous donner tout de suite des exemples. Voilà, il n'y en a pas. Mais j'ai une fois parlé avec un avocat qui est le pape de la matière là-dedans, et il écrit d'ailleurs dans le bouquin, et il dit qu'à son sens, et il s'y connaît beaucoup mieux que moi, et il dit qu'à son sens, par exemple, je le cite, le réaménagement d'une ancienne ferme en habitat groupé, tout de suite, lui, il se dit, ça, eh bien, c'est une manière de recomposer le paysage, parce que on rénove la ferme, on lui redonne du lustre, ça redevient un marqueur dans le paysage, ce truc ne se dégrade pas. Alors je ne dis pas que ça correspond pile poil à votre réalité, hein, mais moi je trouve ça intéressant de dire qu'il y a cette possibilité de dérogation. Alors, à côté des dérogations, il y a aussi ce qu'on appelle des écarts. Et en droit, l'écart n'est pas une dérogation, notamment parce que l'écart ne doit pas être motivé de manière aussi exceptionnelle, particulière, que la dérogation. C'est quelque chose de plus souple. Et là aussi, il faut savoir que si le permis est sollicité non seulement, enfin pas uniquement par une personne d'utilité publique, mais pour des actes et travaux d'utilité publique, eh bien, un écart pourra être admis, de nouveau, eu égard à un objectif social, communautaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, de plus en plus, on trouve que ces habitats alternatifs font partie de la politique du logement au sens large. Les pouvoirs publics, puisqu'ils tolèrent, voire aident, eh bien, les pouvoirs publics, de facto, font de l'habitat léger, eh bien, un des leviers de leur politique du logement. On constate, et ça, je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, mais on constate vraiment que les pouvoirs publics ont compris qu'il valait mieux jouer avec, ça faisait toujours ça de logements moins à construire, jouer avec que de tout le temps réprimer, etc. Et donc, vous savez, à Bruxelles, des associations peuvent très bien réquisitionner des biens vides. C'est fort, ça veut dire que n'importe quel assos peut aboutir à priver le propriétaire de la gestion de son bien. Et là, les pouvoirs publics se sont dit, on va déléguer la lutte contre l'inoccupation à des associations. Donc voilà un bon exemple où les associations deviennent vraiment un partenaire fiable dans la politique du logement. Et donc, à cette aune, eh bien, on peut très bien dire que vos types d'habitat peuvent émerger aux travaux d'utilité publique. Donc voilà, dans l'urbanisme aussi, il y a de la souplesse, il faut l'utiliser. Alors, à mon avis, j'ai dépassé mon temps de parole, donc je vais m'arrêter là, mais il y avait encore d'autres champs juridiques, vous pouvez me poser des questions là-dessus, et je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, merci pour votre attention. Des parmi les outils là, alors soit on n'est pas bon et qu'on n'a pas su les dénicher avec autant de brio, mais si on avait ces outils là à portée de main, je pense qu'avec un mouvement comme Alem, on arriverait à bien les emmerder, hein. Donc il faut absolument créer, je pense, ces fameux réseaux qu'on parlait tout à l'heure d'usagers, hein, évidemment, pour utiliser tous ces outils, parce que là il y a déjà un gros travail qui est fait, et en fait il suffit de le prendre. Peut-être existe-t-il, hein, mais il faut aller comme un chercheur de perles, hein, qui ouvre toutes les huîtres. On fait ça, mais on n'a pas trouvé des trucs aussi. On en a quelques-unes, des perles, mais nous, on utilise l'ambiguïté du mot traditionnel pour les gens du voyage, par exemple. Ça, c'est pour éviter de virer les... C'est sur le cas des occupants sans titre de terrain. C'est un truc pratique, quoi. C'est ça, il y a des demi-reconnaissances... Et puis toutes des failles et des exceptions, quoi. Je faisais un petit récapitulatif. La domiciliation, ce que j'en ai entendu pour avoir des amis qui ont essayé d'utiliser cette possibilité d'être domicilié, en fait, ça s'est souvent retourné contre eux. En fait, ils ont utilisé le recours, oui, parce qu'au début, la commune ne voulait pas. Et alors, en fait, la commune a fait, ok. Montrez-moi où vous habitez, et comme elle n'était pas sur une zone, alors elle a eu une attaque et ça a été beaucoup plus fort en fait. Ils n'ont pas apprécié, je crois, un truc d'orgueil peut-être même, qu'on aille au-dessus d'eux. Ça me dérange que vous deviez tout le temps, parce que alors ça vous fait marcher et votre chignon va se prendre dans le tube mouche. Ça, non. On marche comme ça depuis. Ouais, ok, ça va. Oui, donc ça, les communes, évidemment, ne sont jamais avares de mesures de rétorsion qui, elles-mêmes, ne sont pas toujours légales. Hein. C'est pour ça qu'il y a encore une dernière instance de recours, et je le dis parce que c'était une commune qui, dans un cas d'habitat permanent, cherchait noise sans arrêt aux habitats permanents, refusait de domicilier, d'autres mesures de ce type-là, et les habitats permanents sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire le Conseil d'État, qui est l'instance suprême qui a le pouvoir d'annuler des décisions administratives, individuelles notamment, et une très belle décision du Conseil d'État du 27 novembre 2014 qui a condamné la commune de Tellin. Et donc la commune, elle peut toujours rouler des mécaniques et se livrer à des comportements pas toujours très conformes à la loi. Mais si on a vraiment, si on est bien accompagné, si on va jusqu'au bout, l'instance du Conseil d'État a apporté un camouflet, un désaveu cinglant pour la commune de Tulin qui doit s'exécuter. Maintenant, il faut avoir le courage d'aller jusque-là. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et parfois, il faut se dire vivons heureux, vivons cachés. Mais ça a ses limites, vivons heureux, vivons cachés. Et en tout cas, ce n'est pas ça qui va faire évoluer la législation. Et parfois, il faut des pionniers qui acceptent d'aller jusqu'au bout, quitte à ce que leur situation se dégrade un peu, mais pour faire bénéficier autrui avec un changement de législation qui va suivre. Mais c'est clair, c'est un petit peu de la philanthropie, quoi. C'est une question très pratique sur l'idée d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire que quand on commence un combat, on est durant le temps du combat, on est plus ou moins protégé sur la situation, ou alors les mesures sont applicables, on se précarise en le faisant. Et l'autre question, c'est financièrement. C'est une question très pratique, hein, mais je suis concerné. Alors justement, donc, c'est un peu un hasard, mais je suis très content d'être accompagné ici de Marie-Amélie, qui est avocate, et peut-être qu'elle, en termes de procédure d'action en justice qu'il faut porter jusqu'au bout, elle a sûrement des ressources que je n'ai pas. Je peux te filer la parole ? C'est juste par rapport à la question des ressources financières où je peux vous aider. Donc, il y a une démarche que l'on peut faire à la fois pour avoir accès à un avocat gratuitement et à la fois pour avoir la procédure judiciaire gratuite. Alors, il est vrai que c'est une procédure, il faut réunir toute une série de documents qui, à mon avis, sont compliqués à réunir parce que vous devez faire la preuve de vos revenus, il faut montrer un domicile, etc. Maintenant, dans chaque maison de justice, donc dans chaque arrondissement judiciaire, vous avez une maison de justice qui fait les permanences tous les jours et vous pouvez déjà avoir ce qu'on appelle un conseil de première ligne sans prouver aucun de ces documents, sans avoir aucune preuve de quoi que ce soit. Et pour l'étape 2, qui est celle de la désignation d'un avocat pro deo, ça ne m'étonnerait pas que ce soit plus compliqué d'être dans le régime officiel, à savoir avec l'avocat qui, in fine, sera indemnisé par l'État, puisque c'est l'État qui paye l'avocat et les frais de justice qui sont obtenus si vous bénéficiez de cette aide judiciaire gratuite et de cette assistance judiciaire. Ce sont les deux volets. Mais vous trouvez toujours, soit par le biais des avocats dans les maisons de justice, soit par le biais d'ASBL, de l'aide pour ce type de combat qui sera de l'aide, entre guillemets, extra-loi, c'est-à-dire extra-régime, mais vous aurez des gens qui peuvent vous défendre. Et notamment, c'est juste une ASBL à laquelle je pense, comme ça, dans la région namuroise, vous avez une ASBL qui s'appelle Droit quotidien, à Namur, qui soutient ce type de démarche par une aide juridique appropriée, par des procédures appropriées, également parce qu'ils veulent être le fer de lance de ce type de démarche. Ils veulent que le droit soit accessible à tout le monde, quelles que soient les ressources et le type de manière de vivre, etc. Donc c'est vraiment leur objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à la justice. Et donc typiquement, et je crois que ça existe dans de nombreux arrondissements judiciaires, vous avez des ASBL qui ont pour objet social précisément d'aider ceux qui autrement n'auraient pas nécessairement accès à la justice. Et donc ça, peut-être la difficulté, c'est de les connaître. Et ça, je pense que dans les maisons de justice, vous avez accès à cette information-là. Donc ça, c'est assistance judiciaire et juridique. Ça, c'est par le biais de l'arrondissement judiciaire, la maison de justice. Et à mon sens, un des barrages peut être la production de toute une série d'informations, mais vous trouverez toujours quelqu'un néanmoins qui va vous aider, hors du cadre. Et à côté de ça, il y a toutes les ASBL. Et ça, il y en a pas mal quand même, hein, des ASBL. Moi, je connais que cette région-ci, mais... Les ASBL qui financent aussi. Qui financent, hein, oui. Je connais plusieurs ASBL qui ont un fonds Action en justice, ouais. Et qui ne demande pas mieux d'avoir, comme on dit en droit, des causes significatives. Ça, oui. Pour porter une idée. Ils s'en emparent, et ça, c'est une cause tellement particulière qu'on la porte jusqu'au bout, et c'est elle qui va changer la législation. Je voulais témoigner donc, de l'action militante de Halem, qui se heurte évidemment à ces problèmes de droit en permanence. En fait, la difficulté d'amener un dossier comme ça jusqu'au bout, c'est qu'on a rarement le dossier type avec la personne qui est prête à encaisser des années de situations d'incertitude. Et c'est long, en fait, tous ces trucs-là, quoi, quand on fait appel, etc. Bon, plus souvent, si on a des bons avocats, en fait, l'objectif, c'est des fois de gagner du temps. Donc, on arrive en plus à gratter pour gagner du temps, etc. Et donc, des gens, déjà, qui finissent en cours d'appel, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en décision. Et nous, on se dit, mais putain, c'est trop con, faut qu'il aille en cassation. Là, on a le truc, c'est sûr que... Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les juges font de la politique. Hein, c'est, faut pas rêver, même... Pas tout. Ils sont théoriquement, ils n'en font pas, on est d'accord, c'est théoriquement, il y a une vraie séparation des pouvoirs, mais bon, le juge est un humain, le droit est subjectif, et généralement, il n'appartient pas à la catégorie sociale des personnes qu'on défend, et donc on a souvent quand même des décisions de justice défavorables suite à des interprétations d'une personne qui n'est pas... en tout cas, en France, on a beaucoup ça. Et donc, c'est sûr que j'imagine le contexte de la personne qui risque de se faire retirer... ses aides sociales parce que le maire lui a retiré le maire le retire du registre évidemment on peut aller au recours, etc. Pendant ce temps-là, la personne elle prend quand même le risque de pas réussir à subvenir à ses besoins, parce que ses besoins sont quand même et donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette pression là c'est parce que ça fonctionne, en fait. Ils inventent le maximum de choses pour éviter de faire intervenir la cavalerie ou une procédure, etc. Et ça, faut pas l'oublier, et c'est pour ça que c'est important d'être nombreux, d'être solidaires. Autrefois, les résistances dans les syndicats, c'est comme ça que se sont créées les mutuelles. Hein. C'est pour tenir tête à un patron, on faisait des caisses pour ceux qui se font virer et ceux qui se font harceler. Et comme ça, on arrive à tenir le combat et on les gagne. C'est comme ça que les luttes syndicales ont été gagnées. Et c'est peut-être le problème qu'on a avec l'habitat, c'est qu'on n'est pas encore capable de créer ce genre de choses. Moi, ce qui me pose question, c'est quand même, j'ai entendu que dernièrement, il y a quand même eu 2 procès qui sont passés, les Fauchal et Wissonville. Qui quand même, ils sont allés jusqu'au bout et les 2, ils ont perdu. C'était juste pour dire que le fait d'avoir un avocat pro deo, je trouve super intéressant, mais en même temps, je pense que quand on se met en... Allez, on a envie d'envisager une lutte, on ne veut pas n'importe quel avocat non plus. Et du coup, je pense que là, il y a même moyen de se rassembler, les mêmes moyens. Je me dis directement, vu qu'on a quand même une chance, on n'a pas 1000 chances, on a envie d'avoir l'avocat. Et du coup, la question d'avoir l'avocat pro deo, si c'est pour des petites bêtises, je peux le comprendre, mais dans un cadre comme ça, je ne le vois pas si facile. Et en Belgique, il y a des spécialités. Et par exemple, en urbanisme, ce serait du droit administratif, ou par rapport à la domiciliation, ce serait du droit administratif. Et on vous désigne l'avocat dans la spécialité, et qui n'est pas comme autrefois. En Belgique, c'était uniquement les jeunes, durant leurs 3 premières années comme avocat, étaient pro deo. Moi, j'ai commencé comme ça. La législation a changé il y a déjà un paquet d'années, et un avocat de 60 ou de 70 ans, donc il y a beaucoup d'expérience dans un domaine, peut être avocat pro deo. Il n'y a peut-être même pas la moitié qui sont des petits jeunes, où on pourrait dire effectivement ils connaissent moins ou que sais-je. Et il y a aussi cette question de spécialisation. Maintenant, c'est vrai que c'est très pointu. Il n'y a pas beaucoup de gens comme Nicolas qui font cette matière-là en Belgique. C'est quand même un créneau pointu. Donc forcément, n'importe qui ne connaît pas, même si on est un juriste de droit administratif ou autre. Mais je veux dire, ce ne sera pas n'importe qui. Mais c'est ça que je me demande. Est-ce que ce n'est pas possible d'avoir un avocat qui se met en porte-à-faux sur cette situation, qui peut reprendre plusieurs... Parce que je pense que là, ça amène un autre type de combat. C'est-à-dire que si c'est le même avocat qui vient... Par le biais d'une ASBL comme la vôtre, ça, je crois qu'il y a moyen. Par le biais d'une ASBL comme... C'est le principe contradictoire. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus respecté en France, en tout cas au regard des aides juridictionnelles, parce que vous choisissez un avocat qui remplit le dossier d'aide juridictionnelle, et c'est lui qui se débrouillera pour... Donc vous choisissez d'abord votre avocat. Au-delà de la personne qui est prise, en fait, les seuls moments où c'est dans les manifestations, quand on est sur une voie de fait, on a un truc un peu où là, le contradictoire n'est pas respecté, et qu'on essaie de combattre contre ça, c'est la comparution immédiate, où on fait donc sur la pression de la police, on dit t'as intérêt à te faire juger maintenant, vite fait, parce que sinon ça va être encore pire derrière. Donc la personne accepte et il passe à toute vitesse avec un avocat commis d'office, on appelle. Mais sinon, nous, nos réseaux essayent donc... On a déjà monté un petit pôle juridique où on a des juristes, des avocats, etc. On est plusieurs à travailler comme ça. Et on souhaite, dans le cadre de cette caravane, d'ailleurs, c'est un de nos objectifs. On continue a donc à grossir ce réseau-là et à mener surtout... En fait, ce qu'on cherche, nous, c'est des avocats qui savent travailler en réseau. Parce que justement, l'avocat qui débarque sur un sujet, c'est vraiment dommage de faire l'économie de tout un travail qui a déjà été fait, de recueil de jurisprudence, etc. Et surtout, il ne s'agit pas faire que de la stratégie juridique, mais de faire de la stratégie judiciaire. C'est-à-dire imaginer comment, en défendant tel et tel sujet, on va faire même évoluer le regard des juges là-dessus. Et puis, c'est donc pour ça que le pôle juridique, c'est quelque chose de très important, quoi. Bon. Moi, je voulais juste... Oui, donc, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses importantes que je n'ai pas compris, mais peut-être... je n'ai pas compris. Donc, ce que... Je travaille à Fourceau-Latineville, donc je suis dans plusieurs endroits, camping domaine. J'ai vécu 3 fermetures en 2 ans de temps. Donc, et je vais commencer avec le point insalubrité que donc vous parlez. Donc peut-être la région Wallonne vient de faire une note pour toutes les communes. La commune était obligée de l'accepter. Ils pouvaient le changer, mais ils ont fait un modèle et toutes les communes ont été obligées dans le cadre de la convention plan HP de faire des arrêtés d'insalubrité. Donc là, il y a déjà un problème pour nous de comprendre où... Oui, donc on parle de l'insalubrité des caravanes. Donc, on peut prouver qu'ils sont salubres. Mais à l'instant, politiquement, ce n'est pas notre problème. Parce que la région Wallonne a fait un modèle que toutes les communes qui adhèrent au plan HP, ils ont été obligés d'élaborer un arrêté d'insalubrité pour les caravanes. Spécifique. Donc, et là, ça, c'est une des choses... qui est là maintenant. Donc, le problème de l'insalubrité se trouve là. Donc... Vous avez plusieurs questions ? Non, donc, mais aussi, la commune de Berge a plaqué des arrêtés d'insalubrité sur les caravanes. Donc, ça, c'est la réalité. Et ce que tu dis ici, ils sont venus mesurer la hauteur de plafond. Hein? Mais l'arrêté d'insalubrité n'était pas pour ça. Donc, et c'était des caravanes, c'était pas des taudis que je parle. Donc, qu'on plaque, ça, on sait qu'il faut pas connaître la loi. Si la caravane tombe en ruine, on plaque ça dessus. On dit, oui, là, il y a un problème. Mais la volonté politique, le problème actuel n'est pas de dire, oui, mais l'électricité est pas en ordre. D'ailleurs, quelqu'un de conseil, je pense, supérieur de logement a dit... Un touriste qui vit 6 mois dans son caravane pendant ses congés, sa caravane, il y a des critères de salubrité pour l'électricité pour les caravanes. Hein? Donc ça existe. Hein? Parce qu'un touriste qui va en vacances pendant un mois, il ne peut pas brûler la caravane. Donc, mais, tu vois, des questions pareilles, nous, on a de grands problèmes juridiques. Donc, et là, pourquoi le pouvoir politique pourrait faire une loi qui était légale et que les communes en plus exécutent. Donc au niveau des communes, donc la seule chose qu'on a obtenue, c'est qu'il y a des communes qui ont fait, ils ont dit, si nous on n'a plus la majorité, on va faire une réglementation pas trop sévère, parce que si on le fait comme la région veut, et si la majorité politique change, on va pouvoir fermer tout. Donc déjà pour nous, insalubrité, le plus important, c'est une analyse de cet arrêté et voir ce qu'on peut en faire à l'encontre. Donc, et je n'ai peut-être pas bien compris qu'il faut faire attention de ne pas créer des sous-droits pour des sous-habitations, je suis bien d'accord avec toi. Mais je pense pour l'habitat permanent, donc nous, on a des logements en dur qu'on défend, qui se vendent 200 000 euros. Il y a déjà des gens qui sont contre. Non, il ne faut pas défendre ça. Un logement, c'est une vie. Mais on défend aussi les caravanes. Donc, on parle toujours dans une situation où la tactique concrète de la région wallonne est, il y a convention 2014-2019, les communes doivent rentrer des plans d'assainissement pour les campings non reconnus. Les campings sont visés pour, par après, on ne va pas viser 12 000 personnes à la fois. On va s'en prendre à ce qui semble être le plus facile, c'est les campings, les caravanes. Parce que c'est pour beaucoup de personnes aussi, c'est des logements, entre guillemets, pas dignes. Donc et là, nos problèmes juridiques se trouvent là. Donc vous avez parlé aussi, mais je n'ai pas bien suivi l'utilité. Série, irait pas les questions, une par une peut-être ou... Ben après, on continue, mais sinon, alors, on va... Donc, votre intervention est tout à fait importante. Alors, il y a plusieurs nuances qu'il faut apporter. C'est clair, on ne va pas s'en cacher, la région wallonne n'aime pas l'habitat permanent. Et, vous le savez, elle a divisé les campings en deux zones, ceux qui sont en zone inondable et les autres. Mais ceux qui sont en zone inondable, ça, c'est clair, ils doivent fermer. Ils doivent partir et là, l'action, elle est vraiment répressive. Attendez, quoi ? Non, juste une question. Ils ne donnent pas un autre terrain pour les reloger. Il y a des aides au relogement. Donc... Ça, c'est un minimum. Oui, oui. Mais là, l'objectif politique est de mettre fin à cet habitat permanent-là, dans ces zones-là. Mais alors, ils assortissent le bâton d'une carotte avec une série d'aides financières, mais qui ne vont pas compenser le surcoût, évidemment. On appelle ça les ADEL, ici en Wallonie. Les communes aussi reçoivent des aides pour démolir les caravanes, pour racheter des parcelles qui appartiennent au privé. Et donc, pour ces campings-là, ils doivent partir. Et même pour les autres, là, la région est un peu hypocrite. Mais l'objectif est aussi, quand même, peut-être pas de manière aussi immédiate, mais là aussi, l'objectif est que les habitants s'en aillent. Et là, la région fait pression sur les communes pour qu'ils refusent les domiciliations, pour qu'ils prennent des arrêtés d'insalubrité. Et tout ce que tolère, tout ce que concède la région wallonne, c'est de dire, et c'est un peu hypothétique, oui, mais il y a certaines zones d'habitat permanent qui pourront être reconverties en zones d'habitat. Ça, c'est un petit peu la botte secrète qu'a trouvée la région wallonne. Mais petit 1, à ma connaissance, il n'y en a que 4, je crois, des reconversions. Donc, c'est vraiment pour certains périmètres les plus cosy, les plus chics. Et puis, par ailleurs, reconvertir en zone d'habitat va créer une espèce de spéculation, puisque ça va faire tout de suite gagner du prix. Et donc, ce n'est pas non plus ça que les habitants veulent. Ils veulent rester dans une logique un peu qui est étrangère à la logique du marché. Donc, la région wallonne ne pousse pas, même pour les habitats permanents qui ne sont pas en zone inondable. Maintenant, la région wallonne fait pression, mais elle ne peut que faire ça. Ce n'est pas la région wallonne qui prend un arrêté d'insalubrité. C'est la commune. Et donc, la région, politiquement, ça dépend du ministre ou de la ministre, plutôt. Mais, in fine, c'est la commune qui décide. Et, ça c'est petit 1. Petit 2, elle ne peut pas prendre un arrêté d'insalubrité juste pour des raisons politiques, pour dire, ben voilà, ça ne me plaît pas, ces gens doivent partir. Ils ne peuvent prendre un arrêté que si l'ordre public est en jeu. Et l'ordre public est atteint dans sa dimension hygiénique. C'est ça le terme salubrité pour la compétence communale. Et il faut le prouver. Et ça, il y a quantité d'arrêts du Conseil d'État qui ont cassé des décisions du bourgmestre qui, de manière expéditive, ont prononcé l'inhabitabilité de caravanes juste en disant « Ah voilà, c'est pas conforme au code wallon du logement. » C'est une double erreur. Un, on est dans la compétence communale et pas le code régional. Et deux, c'est pas motivé à suffisance. Il faut vraiment montrer l'atteinte à l'ordre public. Alors de nouveau, vous allez me dire « Oui, mais il faut aller en justice. » Mais ça, malheureusement, la vie, c'est une lutte, hein, c'est un combat. Mais je vous jure, j'ai une pile comme ça de décisions de justice du Conseil d'État qui annulent des décisions d'insalubrité prises par le bourgmestre sur une base un peu légère. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. La question que je voulais poser tout à l'heure, puisque vous parliez du Conseil d'État, c'était quand même que l'aide juridique ne fonctionne pas pour le coût d'un recours. Procès d'État aussi, administratif aussi. Ah, ok. Oui, oui. En fait, les communes qui ont signé la fameuse convention 2014-2019 ont reçu et ont dû voter aux conseils communaux après un truc de salubrité, le règlement de salubrité, mais pas le même que celui de 2007, celui qu'ils ont voté en mai 2014. C'est M. Gendrin qui m'a répondu que c'est celui-là qu'il fallait employer, le plus court. Et beaucoup moins motivé, où on n'a pas les histoires de 2,20 m, x mètres carrés de surface, etc. Alors bon. On n'a pas le document ici. Le problème, ça veut dire que. C'est la modèle de la région qui nous intéresse. C'est le modèle de la région qui est. Ça. Oula, pardon. En attendant, quelqu'un. En France, on distingue quand même. Quand je vous entends parler de salubrité, nous, c'est ce qu'on appelle la dignité. Donc, on a dignité, salubrité et péril. Et donc, en fait, j'ai vu que pour vous, vous aviez un gros sac pour les trois. Et que nous, le péril, c'est une procédure administrative. Donc, soit c'est le bourgmestre, enfin le maire chez nous, ou soit la préfecture qui décide de ça. Et même dans le cas du péril, il y a deux types de péril. Il y a le péril ordinaire et le péril immédiat. Le péril immédiat, c'est vraiment là, le rocher va vous tomber sur la tête, il faut bouger de là. Et donc là, bon, ça tombe et c'est comme ça. Par contre, sur un péril ordinaire, il y a nécessairement une évaluation de si les personnes quittent leur logement, est-ce qu'ils ne vont pas être mis plus encore en péril qu'à l'endroit où ils sont aujourd'hui. Et il y a une nécessité d'accompagnement et de relogement. Et même c'est antérieur à la loi Dalo, hein, au moment où le Dalo donc, dit que c'est l'État qui est responsable du logement, c'est même antérieur à ça. Et après, il y a les notions de dignité, dans lesquelles de toute façon l'habitat mobile ne peut pas rentrer parce qu'il y a des critères de taille, etc. Et les critères de salubrité qui, eux, rentrent surtout dans le cadre de la dénonciation des marchands de sommeil, dans le cadre locatif, en fait. Et donc, il faut être propriétaire. Mais par contre, quand on est propriétaire de sa résidence, quand je parle de résidence, je ne parle pas du domicile. Hein, la résidence peut être mobile. Il ne peut pas y avoir de prise en compte, justement, de l'indignité. Ok, mais nous, on n'a pas ces nuances-là. Mais il y en a quand même quelques-unes. Il y a la norme régionale, salubrité classique. Donc ce que je vous disais au tout début, avec la norme salubrité, le 22 bis, là on est dans le cadre de la région, les normes régionales. J'aimerais bien être plus simple, malheureusement, l'arrêté juridique ne l'est pas. Donc la salubrité est assumée à la fois par l'échelon régional et par la commune. Chacun dans son précaré, mais tous les deux mettent en œuvre une politique de lutte contre la salubrité. Mais au niveau régional, c'est la simple salubrité. Au niveau communal, c'est l'ordre public. Là, il n'y a pas de définition, c'est l'ordre public. Donc, c'est plus sévère. On va plus vite tomber dans une infraction régionale que dans une infraction à l'ordre public, et heureusement. Et alors, au niveau fédéral, parce qu'il y a aussi le fédéral, là, c'est la loi aussi marchand de sommeil, et là, c'est encore plus grave, exploitation de la faiblesse, etc. Mais donc, on n'a pas cette gradation, si ce n'est que, chez les Flamands, ils ont introduit ce qu'on appelle le permis à points. Toutes les infractions de salubrité sont. On y associe un certain nombre de points en fonction de leur gravité. Et on calcule, on prend sa calculette, hein, on regarde le nombre de points d'infraction pour un logement, et si on dépasse tel seuil, le logement doit être fermé. Et il y a certains critères qui valent plus que d'autres. Il y a une pondération. Et il y a des critères qui, à eux seuls, doivent entraîner la fermeture. Et là, c'est peut-être l'équivalent de votre péril. Mais c'est moins conceptualisé. Mais peut-être qu'il faudrait aller jusque-là. Alors oui, alors sur ceci. Donc, je le découvre ici en même temps. La région a fait signer à toutes les communes qui ont signé. La compétence communale de salubrité. Et donc, la commune peut très bien prendre non seulement un arrêté, mais un règlement, mais, ce n'est pas pour faire du juridisme pointu, elle ne peut le faire que dans son champ de compétences. Si elle est en train d'empiéter sur les compétences régionales, ce règlement-là, il est annulé. Je vais vous donner un exemple très connu en droit, c'est l'arrêt Rosier contre Ville de Dinan, tranché par le Conseil d'État en 2002. La ville de Dinan s'est dit, moi, je veux vraiment pas de pauvres chez moi. Hein, je vous situe par le bourgmestre. Les Français ne le voient peut-être pas, mais bon, ici, il est relativement connu. Voilà. Et il dit, je veux pas de pauvres chez moi. Et quel était le truc qu'il a trouvé? Il s'est dit, ben, plus le logement est grand, eh ben, plus ça écarte les défavorisés, parce que plus le logement est grand, plus il est cher. Et donc, je vais imposer des normes de superficie beaucoup plus strictes que les normes wallonnes. Hop, il se croyait malin, et je ne connais plus le chiffre exact, mais il a dit, voilà, le logement doit faire minimum X mètres carrés. Très bien, sauf que la superficie, voilà un exemple typique de compétences régionales. En quoi l'ordre public est atteint par une superficie trop petite, sauf à démontrer qu'alors ça induit de la surpopulation qui crée des problèmes sanitaires, etc. Mais il faut prouver ça. Et donc, le règlement communal, exactement comme ceci, hein, ça c'est un règlement communal en matière de salubrité, ce règlement s'est fait tout de suite casser par le Conseil d'État parce que la commune n'a pas à s'occuper de cette matière-là. Et donc, il faut voir si tout ce qui est dedans relève bien de l'ordre public. Alors maintenant, c'est le modèle de la région, mais la commune peut le modéliser comme elle veut. Hein. C'est le modèle qu'ils ont reçu, qu'on leur avait de réputation, de ce qu'on a entendu tous dans toutes les communes. Il devait, à la limite, être automatiquement signé quand on signait la convention 2014-2019. Ouais, on n'était pas obligé, mais ça se faisait en même temps quand même. Cette bonne politique de leur part, ça, c'est pas illégal. C'était pas illégal, c'était obligé, ou un truc dans le style. Mais allez voir quand même l'arrêté du 21 novembre 2013 sur les normes de salubrité du 22 bis. Là, il n'y en a plus que trois, c'est facile. C'est volume, superficie et hauteur sous plafond, de mémoire. Et donc, toutes les autres normes sautent. Au niveau régional, il n'y en a plus que trois, alors que l'arrêté normal, il fait des pages et des pages. Hein. Il n'y a plus que ces trois normes-là, et donc, au niveau régional, c'est bien balisé. Et donc, si le bourgmestre va au-delà de sa compétence, eh ben, malheureusement, il faut combattre ça en justice. Et donc, ça veut dire que chaque commune doit éditer un texte comme celui-là. Les communes sont libres de prendre un règlement. Alors, comment le prendre en défaut, je veux dire? Ben, il faut regarder si tout ce qui est dedans relève bien de l'ordre public. Et donc, il faut avoir le document, donc. Ah oui, mais le règlement, il est sur le site de la commune. Ah oui, c'est un texte de loi. C'est ça ma question. Oui, il doit être accessible au public, hein, d'une manière ou d'une autre. Sinon, ah oui. Avez-vous donné un document, puis on peut lister, puis on peut dire telle commune est en infraction, telle. Mais c'est un gros boulot de juridiction, mais ça peut se faire. Quoi. Bah, normalement, ils sont sur le site internet. Hein. Il n'y a pas d'organisme qui contrôle la pertinence légal. Et oui, qui s'appelle. Dans notre État fédéral, la commune n'est pas du même niveau que la région. Hein. Donc, la région exerce un pouvoir de tutelle sur la commune, c'est-à-dire si la commune dérape juridiquement, en infraction en tout cas, accomplit ses missions dans le mépris de la loi qui a institué cette compétence-là, ben, le pouvoir de tutelle qu'est la région peut annuler l'acte de l'entité subordonnée qu'est la commune. Donc c'est pas comme dans l'État fédéral où le fédéral et le régional ou le communautaire sont exactement sur le même pied, sauf le respect communément dû à la Constitution. Ici, c'est la commune qui est hiérarchiquement, si je puis dire, subordonnée en droit à la région. Et donc, et la tutelle, ça, c'est pas une action judiciaire, c'est une action de type administratif. Malheureusement, pour fréquenter un peu la tutelle à Bruxelles, en tout cas en Wallonie, je connais moins, mais la tutelle, soit ils n'y connaissent rien, soit ils refusent pour des motifs politiques. Donc c'est beaucoup plus... Ah oui, c'est beaucoup plus fructueux en justice, parce que là, c'est l'application du droit par des professionnels qui sont formés pour ça. Et peut-être faire un contrepoint par rapport à ce que Clément disait, le juge en Belgique est... Marie-Amélie me contrerait peut-être parce qu'elle a beaucoup une pratique beaucoup plus assidue que moi du monde judiciaire, mais le juge raisonne d'abord en termes juridiques et pas tant en termes politiques. Il y en a, hein, mais chez nous, c'est quand même... Enfin, je sais pas, tu... Ah, moi, en tout cas, mon vécu d'avocate de province, hein, je ne sais pas comment ça se passe à la capitale. Tu es la capitale wallonne. Hein, je suis la capitale wallonne. ces puissances politiques ou ce sous-jacent politique, moi je ne le ressens pas du tout. Ça fait 20 ans que je suis avocate, je ne le ressens pas du tout. Mais je peux dire qu'en France, on entend de tout. Qu'on entend des horreurs avec des juges de cour d'appel qui disent que le code de l'urbanisme ne souffre pas l'interprétation. On entend des juges de première instance et même d'appel qui disent que le droit européen n'a rien à voir dans cette cour. On entend des horreurs comme ça régulièrement et qui utilisent, en fait, qui attrapent les gens à l'usure et avec ces choses-là et bon, des contentieux. D'autre part, il est inscrit dans notre Constitution, je crois que c'est l'article 147 de la Constitution, qui dit que les juges n'appliqueront les normes que autant qu'elles respectent les normes supérieures. Et donc, par exemple, le gars avec sa commune là, qui dit voilà mon règlement communal, le juge dit j'écarte parce que ça ne respecte pas la norme régionale, la norme fédérale suivant le cas. Et donc, le juge, donc vous faites valoir cet article de la Constitution et clac. Et ça arrive régulièrement. De même que le droit européen prime le droit interne, plach, on le met de côté. C'est vraiment important hein, ce qu'elle dit, parce qu'il n'y a pas que le Conseil d'État qui a le pouvoir d'annuler. Ça, c'est la bombe atomique. Ouais. Mais il y a, de manière incidente, vous faites n'importe quelle action judiciaire, même pas devant le juge suprême, n'importe quel, entre guillemets, petit juge, il voit que l'arrêté... soit l'arrêté du gouvernement, soit le règlement communal n'est pas conforme à la loi, eh bien, il dit, je ne l'annule pas, il n'a pas ce pouvoir-là, mais il le met au bac. Mais donc la différence, c'est que c'est... Par exemple, des choses évidentes, parce que le juge utilisait des astuces procédurières pour nous rendre impossible. Alors c'est souvent lors de la compétence de ce juge ou pas de ce juge. Par exemple, on a des superpositions de juges d'instance, de grande instance, etc. Celui qui s'occupe des occupants de terrain nu, c'est le juge d'instance. Celui qui s'occupe, non c'est l'inverse, de grande instance. Celui qui s'occupe de l'immobilier, c'est le juge de grande instance. Donc nous, des fois, pour gagner du temps, on va utiliser les incompétents. Et en fait, il nous embrouille parce que... Enfin bon, j'ai pas rentré dans des détails. En fait, tout à l'heure, on a évoqué le cas particulier. Donc ça, c'est en termes d'aménagement du territoire, de la baraque, qui a bénéficié, plus pour longtemps, si j'ai bien compris, d'une affectation de zone habitat expérimentale, qui est un cas unique en Belgique, à ma connaissance. Et donc, à entendre les débats là, ici depuis deux jours, j'ai l'impression qu'on en a un peu parlé de la question de l'affectation des zones. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un possible qui pourrait s'ouvrir de ce côté-là, mais qui serait vraiment un gros changement, une acception majeure, quoi, en fait, qui consisterait à dire, OK, on crée des zones dévolues à l'habitat expérimental ou alternatif ou léger. Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre du possible de voir ça dans une politique en région wallonne? Alors le droit, c'est facile, hein, c'est juste la traduction de choix politiques. Juste entre guillemets, rien n'est interdit, le législateur est souverain, il doit juste respecter le droit international, mais il n'y a rien qui l'interdit dans le droit international. Donc l'exemple de la BRAC, il est vraiment tout à fait éloquent. C'est au moment où Louvain-la-Neuve s'est construite, on a commencé à affecter et on s'est dit là c'est un milieu bouillonnant, plein d'idées, novateur, il faut réserver une petite parcelle à de l'habitat qui soit pareillement novateur. Et le choix politique a été fait de circonscrire ça, mais c'était dans un cadre précis, la création d'une ville nouvelle. Je vois mal une baraque s'implanter dans un habitat existant. Là, c'était vraiment dans le mouvement de la création de la ville nouvelle, où donc là, le choix politique a été pris. Mais maintenant, je ne sais pas si vous suivez un peu les débats sur la démographie, l'évolution démographique. La Wallonie, comme les deux autres régions du pays, gagne des habitants de plus en plus. Il faut les caser et... progressivement, ça impose l'idée d'une ville nouvelle. Alors, on est en train de s'étriper sur l'emplacement. On s'orienterait vers la région du centre, près de la Louviers. Mais bon, tout ça est encore soumis à plein de discussions. Mais là, je vous jure, on va... ces habitants, on ne peut pas toujours gonfler les centres urbains. À un moment donné, il faut faire choix de créer une ville nouvelle. Et dans les années à venir, cette discussion va prendre de l'ampleur. Et c'est l'occasion alors d'y greffer des expérimentations de ce type-là. Et je le dis à plus forte raison que ce prend également de la consistance aujourd'hui l'idée du Community Land Trust, qui est un terme anglo-saxon qui est peut-être déjà venu flatter vos oreilles parce qu'il est fort à la mode maintenant. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le CLT, comme on dit, ce n'est pas uniquement du logement, ce sont des petits morceaux de ville qui se créent parce qu'on ne veut pas uniquement un toit, mais on veut aussi crèches, des services communautaires, etc. Et comme le concept en matière de logement est très séducteur parce que ça abaisse le coût de la propriété de manière vraiment très intéressante, un gros tiers, le mécanisme CLT, donc beaucoup de villes veulent faire du CLT, ben il faut peut-être profiter de cette aspiration-là. Il y a des petits morceaux de villes qui se créent avec des ensembles de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de logements. Là aussi, il y a une brèche qui s'ouvre. Et on pourrait dire, à l'occasion de l'expérimentation CLT, faisons aussi un autre type d'habitat alternatif. Donc, le CLT, c'est la dissociation de la propriété du sol et du bâti. Et donc, l'occupant achète le bâti pour un temps déterminé et pas le sol, et donc il paye beaucoup moins, mais il a tous les titres de propriété. C'est ça, ça s'appelle... Louvain-la-Neuve, c'est l'amphithéose. Toute la ville de Louvain-la-Neuve est bâtie sur ce principe-là. Presque. Hein. Et, mais sinon, la superficie, c'est... Par exemple, la ville d'Etterbeek vend des logements sous mode du droit de superficie parce qu'ils ont compris que c'était financièrement intéressant pour l'acquéreur. Donc, il faut être un peu à l'écoute de ce qui a le vent en poupe politiquement et il faut se greffer à ça. Si, à mon sens, ça c'est la stratégie, je ne suis pas le meilleur stratège au monde, mais si on vient avec une demande pure habitat alternatif en disant voilà, on va créer une petite réserve de marginaux, là, ça va mal passer. En tout cas, le politique va le vivre comme ça. Mais si on dit, on s'insère dans un mouvement plus large avec d'autres projets d'habitat, dans le cadre d'une ville nouvelle ou de quartier de ville, là, je suis sûr que ce genre de revendication politique trouvera une oreille beaucoup plus favorable. Mais les normes en termes d'urbanisme et en termes de définition du logement, enfin de salubrité, ne changent pas nécessairement parce qu'on applique un modèle de type CLT qui sépare le foncier et le bâti. On va continuer à appliquer sur le bâti exactement les mêmes réglementations que celles auxquelles on est confronté. Oui, parce qu'on n'a pas encore changé la réglementation. Oui. Je vous ai parlé de l'article 22 bis du Code wallon du logement. Eh ben, il date de 2012 et il a été pris spécialement pour donner des normes de salubrité moins sévères à l'habitat mobile. Parce que le politique a dit, voilà, ça, boum, je veux mettre l'accent là-dessus. Donc il y a une réflexion à faire aussi en termes de sensibilisation politique. Le politique, il ne va rarement changer spontanément. Il change s'il sent qu'il y a une demande sociale, qu'il y a un besoin, et si il est interpellé et il est vraiment mis en demeure de... Et là, il se dit, j'ai une réponse à fournir, je joue ma crédibilité, je vais être jugé là-dessus. Mais pour avoir un peu trempé dans le milieu, s'il n'y a pas de demande, ben la solution de facilité, ça vaut pour tous, y compris pour le politique. Alors il fait autre chose. C'est l'histoire des piles. Ben, s'il a 1000 dossiers, il sait qu'il ne pourra pas s'occuper de tous. Il prend le dossier où là, on le titille, où il y a vraiment une prise de conscience, où il est interpellé, attaqué, harcelé, un intérêt. Et évidemment, alors il faut... Ben là, c'est vraiment la stratégie de comptoir, hein, je m'en excuse, mais il faut aussi faire comprendre au politique que si il accepte le changement, eh bien, il en deviendra le père. A posteriori, il va s'approprier. Il faut être malin, hein, faut lui dire, voilà, monsieur le ministre, faut pas lui dire, vous allez gentiment endosser tout cuit dans le bec. Non, écoutez, réfléchissons ensemble à une nouvelle vision du logement dont vous pourrez assurer la promotion. Et hop, il aura vite compris le bénéfice qu'il peut en tirer. Hein. Il veut être vu comme... Je comprends ces techniques-là. Je pense qu'il faut les tenter. Elles ne sont pas suffisantes parce que il y a aussi, je pense, la nécessité de créer un rapport de force, voilà, de créer un contre-pouvoir. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'en fait, pourquoi finalement on n'a pas assez de temps pour discuter? C'est parce que là, il y a plein d'intelligence. Là, il y a une envie de construire. Et à l'intérieur de ça, il n'y a pas une stratégie. Il y en a une multitude de stratégies. Déjà par les cultures des uns et des autres, qui vont être plus à l'aise dans certaines méthodes que dans d'autres, et aussi parce que c'est pas ça. Moi, je pense que pourtant, c'est un peu le rôle qu'on me donne dans Alem, parce qu'on est quand même pas mal et il y a plusieurs affinités. Le rôle qu'on me donne, c'est un peu le gueulard, mais c'est un peu comme chez les flics, en fait. Il y a le gentil, il y a le méchant. Donc, généralement, moi, j'y vais avec mon pote Polo, là, qui n'a pas pu venir jusque-là. Et quand on y va, moi, je suis là, j'aboie, je suis dit, ouais, et puis ça, nanana, nanana. Et puis Polo, chut, il arrondit les angles derrière. Je pense qu'il faut être malin, en fait. Il faut en effet construire de la stratégie. Et moi, j'avais une question à poser, là, qui regarde, par contre, nos deux pays. Italie, c'est l'utilisation du droit européen. Et sachant que tu es pas mal versé sur la question, il y a l'utilisation de la jurisprudence Iordanova, qui, donc, pour rappel, je l'ai cité vite fait hier, c'est celle qui dit que même un abri de fortune doit bénéficier de la protection du domicile. Comment on peut, nous, dans nos premières instances, dans nos pays, plutôt que de ne l'utiliser que dans le cadre du contentieux, et qui, généralement, comme je décrivais tout à l'heure, nous, en première instance, c'est sûr que ça c'est juste épicé dans un violon, étudier la proportionnalité du droit en première instance, ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Mais ça, c'est vraiment bien le problème. C'est pour ça que je dis qu'ils font de la politique. C'est, dès qu'on parle de proportionnalité, ils ne savent même pas de quoi on parle. Pour vous, c'est une promotion d'être à la cour d'appel plutôt qu'être au tribunal d'instance. Plus on monte, plus il y a d'intelligence. Et encore, pour poser, c'est eux qui étudient les QPC, on en a posé des chouettes, on s'est fait retoquer. Ça marche pas nécessairement, mais comment en fait on pourrait militants, personnes comme là autour d'une table, se dire que assurer la promotion d'une loi en utilisant le droit européen, comment est-ce qu'il y a des outils? Il y a deux registres d'action. Le premier, et c'est ce que soulignait Maria Militanto, pourvu qu'il soit doté d'effets directs, le droit international non seulement doit être utilisé par le juge. Le juge, il n'a pas son code belge ou son code français, hein. Il a l'arsenal de réglementation supranationale, donc européen ou international. Et il doit les utiliser. Et non seulement il doit les utiliser, mais au cas où une loi interne contreviendrait à la loi internationale, le juge ne retient que la loi internationale qui prime. Mais il faut évidemment trouver effet direct à cette norme de niveau international. Là, c'est un débat, enfin j'adore ce débat. J'en ai parlé justement à un de ces colloques dont tu parlais. Tu étais là, oui, donc voilà. Mais c'est fort technique, mais j'ai une liste de 10 trucs et astuces pour quand même donner effet direct. Mais soit, on va pas. Il faut que la norme, en tout cas, soit précise, inconditionnelle, univoque, bon, soit. Et donc là, le juge doit l'appliquer. Et parfois, les plaideurs oublient d'aller puiser dans le coffret de loi internationale celle qui peut soutenir sa demande. On n'a pas l'idée que, devant un juge interne, on peut utiliser du droit supranational. Or, oui, le droit supranational ne s'invoque pas que devant des juridictions supranationales. Ça, c'est vraiment la première chose. Et par exemple, tu parlais de Iordanova, la Convention européenne des droits de l'homme, elle est de jurisprudence constante comme reconnue, dotée d'effets directs. Et dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a... Bon, je ne vais pas m'emballer parce que j'adore aussi cette matière-là, mais juste un exemple. Iordanova, t'as dit ça, un arrêt Önerildiz contre Turquie, un arrêt merveilleux. Un bonhomme ressortissant turc avait construit une cabane illégalement sur une décharge publique, squatteur quoi, et des émanations de gaz ont émergé de la décharge publique et une explosion s'en est suivie, boum. Son abri de fortune a été soufflé par l'explosion. Et malgré tout, il demande réparation à l'État turc. Il se dit, vous rigolez ou quoi? C'est vous qui êtes dans l'illégalité et c'est vous qui m'attaquez. Et donc, il se fait ratiboiser, évidemment, devant la juridiction turque. Et le bonhomme va jusqu'au bout, donc jusqu'à Strasbourg. Et il dit, il y a dans la Convention, c'est l'article 1 du protocole 1 de la Convention, le droit au respect des biens. Eh ben, c'est une notion très intéressante parce qu'on ne protège pas la propriété, on protège les biens. Notion extensive qui, le juge européen a dit, s'applique même si on n'est pas propriétaire, même si on n'est pas locataire, même si on est simple squatteur, vous avez mis votre lieu de vie dans cette baraque de fortune, eh bien, c'est considéré comme un bien qui doit être protégé par la Convention, indépendamment du statut juridique de l'occupation. Et le juge européen a obliger l'État turc à indemniser parce que l'État turc aurait dû, c'est pas uniquement la tolérance, mais l'État turc aurait dû tout faire pour éviter en amont, anticiper, prévenir l'explosion. Même si c'était un squat. L'État turc ne l'ayant pas fait, il a été condamné. Donc ça c'est pour le niveau de la Convention. Alors malheureusement, c'est aussi complexe au niveau international, il y a la Convention européenne, mais pour moi, ça présente quand même un double défaut. Un, on ne peut la saisir qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Et donc là, vraiment, il faut aller jusqu'au bout du bout. Première instance, appel, cassation. Et puis, il y a des milliers de requêtes à la Cour. Et donc, la Cour a exercé un filtre relativement sévère. Alors, c'est, pour le coup, c'est une belle cause significative avec un impact très fort. Mais, par contre, il faut vraiment avoir de la patience. C'est le parcours du combattant. Mmh. Petit un. Et puis, deux, ce sont des requêtes individuelles. Donc, il faut qu'il y ait un... Alors, faut, comme tu disais, il faut trouver un type, une fille qui est prête à aller jusqu'au bout. Qui est typique. Mmh. Voilà, ça c'est le double défaut que je vois à la requête à Strasbourg, mais il existe, ça c'est pas du tout connu, aussi le Comité européen des droits sociaux qui va vérifier l'application de la charte sociale. Donc la convention sont des droits un peu civils et politiques, le respect des biens, de la propriété, liberté d'association, de parole, mais on a aussi une charte sociale qui est l'équivalent de la convention européenne, mais avec tous des droits sociaux, droit à la santé, droit à l'emploi, droit au logement, c'est l'article 31 de cette charte sociale européenne. Et là, c'est une autre instance, c'est le Comité européen des droits sociaux qui doit être saisi. Et là, l'avantage, il est double. C'est petit 1, il ne faut pas avoir épuisé toute la voie de recours interne. On peut y aller tout de suite quand on veut. Et petit 2, le requérant est collectif. Ça veut dire que, bon, c'est peut-être aussi un inconvénient, on ne peut pas y aller tout seul, mais au moins on est porté, encadré par une assoce. Et la Belgique s'est fait condamner en 2012 par une assoce qui est allée, c'est aussi Strasbourg, le siège du Comité européen des droits sociaux. La Belgique s'est fait condamner par les gens pour des raisons liées aux gens du voyage, en disant, plein de choses intéressantes pour vous, j'en ai pas trop parlé, mais en disant, il n'y a pas de terrain en suffisance, les normes de salubrité sont inadaptées. Quand on expulse des gens du voyage, ça se fait dans le mépris de toute une série de règles. Donc, pour ces raisons-là, notamment, le Comité européen des droits sociaux a condamné la Belgique au nom du droit au logement. Et la France, j'en parle même pas. La France, ils sont des abonnés réguliers. La Féante, ça a TD. Enfin, tout le monde a condamné la France. C'est presque plus du jeu, on gagne toujours. Mais ça ne change rien. Alors, ça ne change rien. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le défaut de ce Comité européen des droits sociaux. C'est que la décision est moins contraignante qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais quand même, l'État qui est condamné doit s'expliquer, doit donner les mesures pour exécuter l'arrêt, etc. Mais il y a moins de contraintes et en tout cas, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de sanctions financières. Donc, les deux voies ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais en tout cas, il faut les faire connaître. Mais tu as raison, le droit européen est un vivier très important de ressources. Une dernière question juridique pour revenir un peu sur l'histoire du quartier de la Baraque. Bon, d'abord, il faut quand même savoir que je présente un peu les choses comme si tout s'était passé assez facilement, mais il faut quand même savoir pendant 10 ans, on s'est battu dans une forme de précarité assez solide et ils ne voulaient pas de nous non plus. Hein, bon. Mais sinon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, ça reviendra. Bon. Tant pis. Tu casses la baraque. Ce qui me trotte en tête depuis tantôt, c'est que par rapport au juge, donc quand on disait, bah oui, enfin voilà, si c'est clair que la loi n'a pas été respectée, bah le juge va prendre la décision en fonction. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu plus nuancé que ça, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'il y a des tas d'histoires où c'est si clair que ça, que c'est respecté ou pas. Et que pour moi, enfin, le milieu des juges que je ne connais pas, parce que c'est pas du tout mon milieu, est quand même un petit milieu avec des gens qui ont une certaine manière de vivre que je pense qu'ils connaissent pas du tout. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, il y a une distance qui fait que dans les décisions qui sont prises, il y a juste simplement cette différence de classe, ou je sais pas comment on peut l'appeler, qui fait que pour moi, il n'y a pas un truc d'impartialité. C'est clair. Et que quand, en tout cas, nous, on discute par rapport à notre cas en particulier, ou je sais pas quoi, on n'arrête pas de nous dire, oui, on va voir comment on va colorer le dossier. Et donc, en gros, oui, il y a une certaine couleur à donner de est-ce qu'on est des gentils, est-ce qu'on est des pas gentils, est-ce qu'on est des doux rêveurs, est-ce qu'on est des... etc., pour rentrer dans une case que le juge peut comprendre, entre guillemets. Et donc, moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la subjectivité, totalement, et qui est de l'ordre de, bah oui, en fait, le juge, c'est, enfin, comme tu le disais tantôt, Clément, c'est un être humain qui a ses manières de vivre, qui a ses visions, etc., même s'il est censé être... Mais maintenant, pour éclairer les parties en droit belge, toujours, hein, moi je parle que du droit judiciaire belge que je connais un petit peu, on est d'accord que le juge ne connaît pas la réalité de terrain, ça ne m'étonne pas trop, disons, et il y a quand même des moyens de l'éclairer, à la fois parce qu'il peut venir sur place, il y a des petits outils, quoi. Le juge peut venir sur place, donc il suffit de lui dire, monsieur le juge, ben voilà, ce serait intéressant que vous vous rendiez compte, et hop, il débarque sur place avec son greffier et les parties, ça c'est une chose. La comparution personnelle des parties, les parties viennent s'expliquer, on peut dire, on voudrait bien comparaître, quoi, et s'expliquer. Alors, il ne va pas maîtriser votre situation rien qu'avec ça, mais ce sont des petites manières de l'éclairer, sur une réalité qu'effectivement, on est tout à fait d'accord, il ne connaît pas et il ne maîtrise pas. Mais moi, je ne mets pas tous les juges dans le même panier non plus, mais bon, je suis peut-être une idéaliste à cet égard-là. Mais il y a des juges, évidemment, il y a des moules comme partout ailleurs, il y a des gens qui ne font pas bien leur métier, il y a des gens qui sont obtus, etc. Comme partout ailleurs, ni plus ni moins. Mais moi, je connais quand même, j'ai des amis magistrats qui sont des gens soit d'une sensibilité, en tout cas, à la proximité de la personne... Et dans sa réalité qui est très importante, des gens qui ont une conscience professionnelle incroyable. Donc évidemment, il y en a qui ne vont pas se mouiller. Ça, c'est possible. Mais il y en a qui pourraient en faire leur combat, justement parce qu'ils ont cette sensibilité, que ce soit aux droits de l'homme, à la personne dans son vécu, au respect de chacun. Et ça, honnêtement, bon, je vous dis, peut-être je suis idéaliste, mais il y en a, ça certainement, et ce n'est pas une minorité. Ou alors, j'aurais déjà changé de métier, parce que moi, je les fréquente, et ça m'aurait déjà emmerdé depuis longtemps. Donc, il y a moyen, mais, et donc, il y a des petits outils, venir sur place, etc., qui sont des moyens de se rendre un peu plus compte d'une réalité qu'ils ne connaissent pas, effectivement. Mais il y a des gens qui sont prêts à la découvrir, cette réalité. C'est ça, la question. Je peux préciser, quand tu dis comparution personnelle des parties, tu expliques peut-être ce que ça veut dire. Les personnes qui sont dans le litige, eh bien, le juge dit, je voudrais vous voir. Plutôt que ce soit un avocat qui porte la parole, qui met ça à sa sauce, qui emballe l'histoire, quand vous dites coloré, je sais pas quoi, etc. Ce que font les avocats, hein, quelque part, c'est notre job, on essaie d'emballer l'histoire pour que ça passe. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu aussi un filtre, une certaine manière de filtre, qui emballe le truc pour que ça passe. Et le juge va dire, moi, je voudrais bien que les parties viennent en personne. Et on va fixer une audience, en dehors de l'audience publique, une audience de cabinet, où il rencontre les personnes et il dit, comment ça se passe? Comment vous vivez? Quel est votre parcours? Des choses comme ça. Et du coup, parce que justement, le juge qui ne connaît rien au domaine, etc., il doit se dire, c'est typiquement un dossier où, comme j'y connais rien, il faut que je rentre dans ces mesures, rencontrer les personnes. Ce n'est pas du tout exceptionnel, hein, ce que j'appelle la comparution personnelle des parties, la vue des lieux, ce n'est pas du tout exceptionnel. Hein. D'ailleurs, en logement, tu as la vue des lieux, tu en as beaucoup, j'imagine. Hein. Donc, c'est vraiment une matière où on va se rendre compte sur le terrain. Tiens, comment ça se passe? Et puis, vous allez m'expliquer. Et donc, le juge qui veut rentrer dans le dossier, il a ces outils-là à sa disposition. Ce sera qu'une infime manière de connaître ce qui se passe. Mais le gars qui l'a fait une fois, le juge qui l'a fait une fois, sera peut-être plus sensible à l'avenir. Il y a cet effet-là aussi que j'aime bien, c'est de dire, je l'ai fait une fois, et alors j'ai appris des trucs, j'ai rencontré des gens, je vais m'intéresser à cette problématique, je vais être plus sensible dans ceci, cela. Et alors, ça avance pour la suite. Si vous lui demandez, vous pouvez lui demander, alors il a quand même un pouvoir d'appréciation. Donc, soit il le prend d'initiative, il peut toujours prendre l'initiative de dire, moi, dans ce type de dossier-là, je veux vous rencontrer ou je veux aller sur place. Soit c'est une des parties qui lui chuchote à l'oreille, alors il a un pouvoir d'appréciation pour dire, est-ce que c'est pertinent l'espèce ou pas? Parce que finalement, les gens, ils voudraient toujours être entendus pendant une demi-heure et que vous veniez voir leur poteau chez eux. Je veux dire, dans tous les dossiers, on a envie que le juge prenne du temps pour nous et c'est tout à fait légitime. Hein. Mais donc, si vous le demandez, il peut le rejeter si c'est pas pertinent. Le code judiciaire prévoit que les mesures d'instruction, il faut que ce soit pertinent pour la résolution du litige. Si vous divorcez, on ne doit pas forcément voir que vous habitez dans 10 ou 15 mètres carrés. Enfin, peu importe, je prends un exemple débile, mais il faut que ce soit pertinent pour la solution du litige. Mais si dans votre demande, vous dites, monsieur le juge, vraisemblablement, vous ne connaissez peut-être pas notre réalité de terrain, ça vaut vraiment la peine de voir ce qui se vit, ça m'étonnerait qu'il l'éjecte, quoi. Surtout si c'est un juge de paix. Mais moi, de ce que j'ai entendu de la justice française, je pense qu'on est un peu mieux lotis. Ouais. Je pense que tu étais là aussi dans le cadre des travaux qu'on faisait avec Juris Logement autour des occupations sans titre de terrain. Et là, il y avait Ouais. Et là, il y avait une magistrate, peut-être à la retraite, mais en tout cas qui était au syndicat de la magistrature, qui est le syndicat de gauche des magistrats, qui sont plutôt très à droite quand même en France, et qui nous avait dit qu'on pouvait demander que le juge se déplace. Et en fait, on a essayé, ça n'a pas marché chez nous. Le juge, rien à foutre, de toute façon, il avait envie de nous virer et qu'il était systématiquement favorable aux demandes de la mairie. Donc nous, on a des trucs comme ça, classiques. En tout cas, dans mon vécu, dire d'office, moi, je suis pour le bourgmestre ou je suis pour la commune, etc., moi, ça, je ne vois pas. Non, mais ils ne vont pas le dire. Mais ils vont le faire. Non, ça, j'imagine bien qu'ils ne le disent pas. Mais je veux dire, je sens une plus grande indépendance. Je sens une plus grande indépendance par rapport au pouvoir politique. Et je sens aussi que certains ont envie de défendre certaines valeurs. Et c'est un des combats qui leur permet de défendre des valeurs. Et justement, il y en a qui précisément vont s'embarquer là-dedans pour défendre des valeurs. Et ça, c'est chouette. Juridiquement, dans ma situation, je n'ai pas l'impression que je peux rentrer dans la loi. Je me dis, j'ai l'impression d'y aller perdant. Je suis juste dans mes valeurs, je suis juste dans ce que je veux faire. Je pense être novateur et d'avoir quelque chose à offrir à beaucoup de gens, mais je n'ai pas l'impression que je peux gagner un procès, en fait, simplement. Ça, le juge reste quand même enfermé dans son cadre de normes. Et il ne peut pas écarter une norme qui est valable, comme on le disait au-dessus, tout à l'heure, parce qu'elle est OK par rapport aux normes du dessus, parce que pour des raisons de valeur, etc. Le juge, il est quand même plus ou moins cadenassé. Alors, il faut trouver une autre voie, la voie politique ou autre. Mais la voie du judiciaire, le juge, on ne s'est pas lui demandé, il ne s'est pas donné plus que ses si armes. Si votre dossier est vraiment mauvais... Vous perdrez le procès. Il est vraiment bon. Enfin, je le connais non, pas. Non, hein. Il est bon, mais au regard de la justice, au regard du droit, vous n'êtes pas droit dans vos bottes. Alors, c'est vrai que ça ne sert à rien, mais il faut alors chercher d'autres voies. Mais ce n'est pas la justice. C'est du lobbying normatif ou des choses comme ça. Moi, c'est juste une petite question, peut-être bête. C'est juste dans les procédures suite à une infraction urbanistique. Le dossier va d'abord chez un procureur, apparemment. Ça, c'est du pénal, oui. Oui, le juge, là-dedans, il est quand? Ou est-ce que vous considérez les mêmes démarches par rapport à un procureur ou rien à voir? Donc c'est du pénal. Et tout ce qui est pénal ne fait l'objet que de poursuites de manière rare, hein, sporadique en matière d'urbanisme. S'il fallait... Donc du pénal, ça veut dire qu'il faut... il faut que le parquet c'est mette le dossier... Parquet, non. Et donc le parquet sélectionne quelques causes emblématiques pour mettre le paquet. Et tout le reste passe au bleu. Mais c'est en train de changer. Donc dans le nouveau code été, le futur quatup, là, on a érigé une série d'infractions urbanistiques en infractions administratives et plus seulement pénales, avec le choix qui est fait au parquet de poursuivre ou pas. Et s'il ne poursuit pas, alors ça devient une infraction administrative. Je ne sais plus très bien quel était Ah oui, le juge, il arrive quand? Donc il arrive tout au bout de la chaîne, évidemment. Et ce sont des décisions extrêmement... elle n'est pas extrêmement rare, mais peu fréquentes. Mm-hmm. Par contre, si c'est administratif, ça va beaucoup plus vite. Il n'y a plus besoin de juge. C'est une autorité administrative qui inflige l'amende ou la remise en état, ou que sais-je. Et, alors, on peut contester cette décision, mais là, il n'y a pas de juge et la décision tombe très rapidement. On peut faire appel en justice d'une décision administrative, quoi. On peut, oui. Ah oui, évidemment. Oui, c'est ça. Toujours. Oui, comme vous disiez tout à l'heure. D'accord. Quand il y a un jugement qui vous condamne sur le plan pénal, le jugement, la condamnation est transcrite dans votre casier judiciaire. Même si vous faites un excès de vitesse et vous êtes poursuivi devant le tribunal de police, parce que c'est un excès depuis le 1er janvier 2015, la loi, c'est encore clairement plus sévère. Et donc, on va beaucoup plus... Avant, on nous proposait une transaction pénale. Maintenant, on va quasi tout de suite... Enfin, on va assez vite devant le tribunal de police. Vous êtes condamné. Pour avoir un casier judiciaire, il faut une condamnation par le tribunal pénal, police, correctionnel ou autre. Et alors là, c'est inscrit dans votre casier judiciaire, et donc ça peut avoir un impact sur votre job futur, parce qu'on doit donner un certificat de bonne vie et mœurs. Maintenant, si vous avez une infraction de roulage, tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai qu'il y a un souci. Il y a quand même un effacement des condamnations après un certain temps, d'une part, et d'autre part, en Belgique, mais je ne sais pas si ça existe en France, quand vous plaidez, vous pouvez demander ce qu'on appelle la suspension du prononcé, pour que ce ne soit pas transcrit sur votre... dans votre casier judiciaire, et je pense sincèrement que des infractions urbanistiques ou autres, la suspension, on l'obtient sans problème. Hein. sans problème. C'est toi, Mathieu. Je parlais de l'expérience de Buissonville que je ne maîtrisais pas tout à fait non plus et sur lequel a réagi Benoît, je pense, aussi, qui lui avait des éléments en plus. Mais effectivement, dans leur condamnation, il y avait l'ordre de remettre en état des amendes sur 3 personnes assez lourdes et inscription quasi judiciaire. Ah, mais l'inscription, en tout cas en Belgique, c'est d'office. Il y a une condamnation pénale. D'office, c'est transcrit au casier judiciaire. Et construction de cabane illégale. Si c'est du pénal, d'office, condamné, claque dedans. Urbanisme égal pénal. Hein. Ouais. Urbanisme égal pénal, égal transcription dans le casier. Mais comme je vous ai dit, on va vers une dépénalisation des infractions urbanistiques, en tout cas des plus légères. La suite de la discussion, c'était de savoir quel impact pouvait avoir une inscription au casier judiciaire s'il s'agit d'une désobéissance au niveau urbanistique. Mais tu peux demander la non-transcription. Suspension, c'est donc ça. En Belgique, il y a suspension, sursis, probation, c'est 3 mesures, entre guillemets, plus favorables par rapport à une condamnation pénale. Et la suspension, et ça vous demandez quand vous plaidez, c'est de dire, vu le type d'infraction, parce qu'évidemment pour un meurtre, ça ne marchera jamais, il y a une gravité dans la peine, mais vu le type d'infraction, je demande la suspension, c'est-à-dire que je suis condamnée, enfin on reconnaît, je fais infractionnel, etc., mais ce ne sera pas transcrit dans mon casier, donc personne ne le saura. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est la suspension. Oui, c'est ça. C'est ça qui était intéressant. Il faut le demander, effectivement. Oui, oui. Et alors, le juge, systématiquement, vous demande, votre avocat vous a-t-il informé des conséquences de la suspension? Il faut dire oui. Enfin, il a pris le temps de vous expliquer. Mais donc, systématiquement, le juge demande. Et parfois, la suspension est assortie de mesures complémentaires. C'est comme le sursis. Hein. Vous êtes condamné à 6, vous en faites 3. Avec des petites mesures complémentaires, faire ceci, faire cela, genre, que sais-je. Genre, on appelle un tige chez nous. Alors oui, non, ça c'est une alternative à la peine, des travaux d'intérêt général. Oui, mais c'est un travail, on a ça aussi nous. Mais ça c'est une alternative à la peine, qui est une alternative soit à la prison, soit à l'amende. Oui, c'est une condamnation. Et c'est faire, par exemple, un centre de, entre guillemets, bénévolat dans je ne sais quel ASBL. Non, ça c'est des travaux d'intérêt général. C'est par rapport à ce que tu dis sur la suspension, par rapport à ce que ça peut entraîner. Tu disais peut-être ils vous demandent. Oui, mais par exemple, la violence entre voisins la violence est née du fait qu'il y en a un qui boit un peu trop, et bien ça va être condamné pour coups et blessures volontaires avec suspension et obligation pendant 6 mois d'avoir un suivi psychologique. C'est dans ça. Dans le cas d'un délit urbanistique, ça serait quoi la contrepartie? Non, vous avez la suspension simple. Ça, vous avez la suspension simple, mais à tous les coups, je l'ai déjà entendu, la suspension pour des trucs 1000 fois plus graves. Tandis que le caractère pénal de l'infraction urbanistique, dans l'esprit commun, on le sent moins. Vol, violence, tout ça, on sent bien que ça ne va pas. L'aspect pénal des infractions d'urbanisme, c'est moins vécu socialement parlant comme... Non mais parce que ça, d'ailleurs, c'est très difficile pour les copains hier qui parlaient de ça. Et... Oui, oui, non mais je suis en Belgique, enfin, moi ça me... Ça me court ma main en feu que vous l'avez. Il y a un feu là. J'avais envie de la rencontre franco-belge pour poser une dernière question à Nicolas en particulier parce que tu viens de nous dire qu'on allait vers une dépénalisation donc, de l'infraction à l'urbanisme et on a posé une QPC donc, avec Alem il y a 2 ans sur une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire que alors, ça a été mis par c'est Sarkozy, vous connaissez Sarkozy qui a mis ça en place, donc il faut se méfier. Donc on ne s'est pas méfié assez. En fait, il y en a plusieurs associations qui ont posé des QPC, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où on est jugé, on peut dire que la loi qui nous juge est anticonstitutionnelle. À ce moment-là, le juge a la possibilité de sursoir à son jugement, de poser le dossier à la Cour de cassation, en fait, qui va estimer si oui ou non on fait remonter ça au Conseil constitutionnel. Et donc à ce moment-là, on a posé la question de la dépénalisation, justement, des infractions à l'urbanisme au regard du fait qu'on parlait bien de première nécessité, de logement, droit au logement, etc. Parce qu'en France, il est clair qu'en plus de ça, ce même Sarkozy nous avait foutu en place ces histoires de récidive et qu'aujourd'hui, donc une personne qui n'a pas d'autre choix que d'enfreindre en fait l'urbanisme parce que de toute façon, on ne tient pas compte de l'existant, il n'y a aucun diagnostic... qui est fait sur les besoins d'une population qui a du mal à se loger, du coup se retrouve en fait condamné parce qu'il y a voilà, ces documents d'urbanisme qui ne tiennent jamais compte. Donc qui finalement, on est arrivé sur une logique, on dit les documents d'urbanisme créent de la délinquance, quoi, finalement, parce que les communes se renvoyant la patate chaude les unes les autres. Et donc on a voulu remettre en cause ces articles condamnant pénalement des personnes, donc condamnées à des amendes, des astreintes, ça n'en parlons pas, mais bon, les astreintes, c'est assez souple chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un nouveau jugement pour l'application de l'astreinte, et généralement, les juges, au regard de la situation sociale de la personne, ne le fait pas. Mais bon, ça, c'est en tout cas dans la pratique, il est possible de la demander, surtout pris comme une mesure pour pousser la personne qui a peur et qui finalement, plutôt que d'envoyer la cavalerie démonter, il s'en va de lui-même parce qu'il a ses astreintes qui s'accumulent. Mais en tout cas, on est très intéressés, nous, pour arriver à suivre les débats qui vont se passer justement sur cette dépénalisation, parce que on mettra le coup, on continue à mettre le coup chez nous en Belgique, en France. Et donc, c'est important, en fait, justement, je trouve que, comme moi, je dis toujours qu'il y a de la poésie dans le droit, il y a de la, et je dis toujours que c'est nous qui amenons l'interprétation du droit et de s'inspirer de ce que font nos voisins, c'est très important. Et par exemple, il ne faut pas laisser tomber nos voisins hongrois qui ont pénalisé le vagabondage à nouveau, alors que dans tous les pays européens, c'est dépénalisé. Et je pense qu'il y a une nécessité de travail en commun, et notamment sur ces concepts-là, quoi. Et en tout cas, on vous suivra de près, et je serai content de pouvoir voir l'évolution que ça prend, quoi. Ils ont pénalisé. La Cour constitutionnelle a cassé la loi de pénalisation. Alors la Hongrie a changé la compétence de la Cour constitutionnelle et repris une autre loi qui reprend le contenu de la première, et là la Cour ne peut plus casser. Donc on est vraiment dans le... Ce sont des pratiques assez classiques. Dans les dictatures, oui. Oui, j'allais dire, dans la pratique, on s'y est rendu en Hongrie, en fait, on a vu à quoi ça servait. C'est-à-dire que c'est pas applicable du tout en Hongrie, une telle crise du logement là-bas, c'est terrible. Il y a vraiment, les gens dorment dans la rue partout. Et en fait, il n'y a pas vraiment eu encore de personnes qui ont eu à faire de la prison ferme alors que c'est prévu par la loi. Ça sert surtout de menace pour nettoyer certains quartiers. Et puis comme ça, tous les gens vont dormir dans les mêmes quartiers dehors, quoi. Ça sert à ça, en pratique. Parce que c'est pas vraiment applicable, finalement. Bon, bien, bien. Ouais, merci. Merci Nicolas Bernard. Merci beaucoup. Merci Amélie pour son éclairage complémentaire de ces procédurales. C'était pas prévu, mais je suis ravi de l'avoir eu comme accueil. Merci, voilà.